Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous invite à écouter en transmission différée la diffusion du spectacle donné au Théâtre Marinier à Paris. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault présentent « Occupe-toi d'Amélie, vaudeville en trois actes et quatre tableaux » de Georges Feydeau dans une mise en scène nouvelle de Jean-Louis Barrault. La présentation est assurée par Jean-Paul Coutisson. Mesdames, Messieurs, « Occupe-toi d'Amélie » a vu les feux de la rampe pour la première fois le 15 mars 1908, ça ne nous rajeunit pas. Cassive, Germain, Baron-fils, faisaient partie de la distribution. Celle de ce soir avec Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, dans un tout petit rôle, mais marqué à son coin, et c'est tout dire. Jean de Sailly, André Bruno et leurs camarades ne le cèdent en rien, croyez-le bien, à la première. Au lendemain de cette soirée, Jean Richepin écrivait « Je suis pétrifié d'admiration devant le mathématicien, l'horloger, l'ingénieur, le Blaise Pascal, j'en passe, et des meilleurs, car Edison était aussi dans le coup, qui invente, rêve, combine, construit, remonte, fait marcher impeccablement cette machine aussi compliquée, aussi miraculeuse, aussi parfaite, etc. Car Richepin était poète et les mots ne l'effrayaient point. Les personnages de Feydeau me font plutôt penser à de la peinture, moi. Les nénuphars de Monet, tenez. Quand on les voit, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Ou encore, un de ces sous-bras de Camax Zeuger, comme j'en ai vu l'autre jour en flânant Faubourg Saint-Honoré. Allez voir, on se dit, mais comme ça doit être facile. Essayez un peu. On oublie la profondeur de l'eau, ou la hauteur des arbres, et la lumière, et aussi le don du peintre. Ainsi des personnages de Feydeau, d'apparence tout d'une pièce, et si compliqués dans leur comportement, leur réaction et tout et tout. Seulement voilà, Feydeau lui aussi avait le don. Et sa mécanique, comme disait Jean Richepin, tourne admirablement rond. Attendez-vous à rire, mesdames et messieurs, mais attention! Suivez bien la pièce, ne quittez pas l'écoute un seul instant, sans quoi vous manquez d'y perdre le plus beau et de ne pas vous y retrouver. Tout cela est d'une rigueur mathématique, ne l'oubliez pas. Et maintenant, mesdames et messieurs, les trois coups sont frappés. Le théâtre Marigny est plein à craquer. C'est même réconfortant dans le temps où nous vivons. Le rideau va se lever sur le salon d'Amélie d'Avranches. Pour le moment, vous devez l'entendre d'ailleurs, on entend la voix de Caruso, c'est un disque. Et tous les invités, après un bon déjeuner, écoutent ce disque vraiment magique. Ils font des gestes admiratifs, une mimique fort expressive, et quand le ténor accède vers les notes hautes, tout le monde lève qui le bras, qui la tête ou les jambes, selon son âge ou son intelligence, des chefs-d'œuvre. Époque 1900, il va de soi, dans la décoration et les toilettes. C'est charmant et décevant. Nous voilà rajeunis de 40 ans au moins. Et quand je dis 40 ans au moins, c'est une erreur d'ailleurs, puisque ça fait un tout petit peu plus de 40 ans. Entre nous, ça n'est pas désagréable. Amélie d'Avranches, c'est-à-dire Madeleine Renaud, est là-bas, près de la fenêtre. Elle est habillée, elle est d'une très belle robe. Mauve. Je vous laisse la scène. Elle fait toutes sortes de gestes comme un pantin. Oh, tout le monde lève les bras parce que là, c'est une note haute. Alors. Enfin, qui chante. C'est une façon de dire. Je sais que je serais malvenu. Oh, le fou, il y a vraiment une voix. Une voix, voyons. Une voix bénie de tombe. Oh, bon. Oh, bon. Mais en chair et en os, au moins. Ah, c'est pas pour ce qu'il y a de mieux. Tu n'as pas besoin de là. Ah, non. Non, non, madame, j'ai le récit de Théramène par Simon. Non. On va te juger. Ah, c'est tout de même une invention admirable, ce grand apôtre. Pensez que dans 100 ans, nous pourrons entendre des gens qui nous remplis de fidèles années. Oui, toi surtout. Eh oui, je serais un peu tapé. Oh, et du bibichon encore un, c'est pire qu'une cheminée. On respire déjà plus ici. Oh, le dernier, le dernier. Ah, nous allons voir si vous allez deviner. Qu'est-ce que c'est? Oh, laissez-donc, on va essayer de deviner. Oui, ah ben moi je me connais, je devinerai pas. Merci. J'étais bon sous l'Empire, quand j'étais républicain. T'es de l'Empire, toi? Un peu. T'as connu Napoléon Ier? Ah, non, c'est pas le même. Alors, qu'est-ce que tu fais avec eux si tu es de l'Empire? C'est vrai, pourquoi n'es-tu pas avec ceux de ta génération? Oh, vous ne voudriez pas. Pourquoi? Eh ben, ils sont vieux. Oh, la Amélie, je crois encore. Ah, en quoi? En Dieu? Non, mon pantalon. J'ai encore grandi. Oh, non. C'est positif. Bah, tiens, regarde, au moins 5 cm depuis ma dernière période. Tu pousses encore, mon chéri. Bah tiens, regardez. Heureusement que j'ai eu l'idée d'essayer. Si j'étais parti ce soir comme ça pour mes 28 jours, ça aurait été chic pour me présenter de mon corps. Il va me faire allonger, ça, n'est-ce pas? J'ai très bien essayé la dunine, madame Tillet. Oh, bah tu parles. Oh, ce saint fait que le vieux cigare ici. Là, qu'est-ce que je disais? Oh, attendez, je vais faire ouvrir les fenêtres. Oh non, ou alors on passe à côté. Le grand vient frapper la mort. Oh, douillet. Eh bah tiens, sur la digestion. Et à moins que je ne me colle pas le dire dans le dos. Et il vote sur la... Oui, je ne vous dis pas le dire si tu veux, mais Yvonne, tu peux te fouiller, c'est ma maîtresse. Oh, et donc, ne demande pas ton avis. Madame a sonné. Ouais, venez ouvrir dans la fenêtre. Il a enlevé ses tasses, c'est ses petits verres qui traînent. Là, pas bien, j'ai pas fini. Allez, vas-y, Bouffi. Viens. On y est. Tu viens, Goldub. Quoi? Comment tu l'appelles? Goldub. Ben oui. Ben oui, il s'appelle Boa, je l'appelle Goldub. Goldub. Oh! C'est complètement idiot. C'est rituel, petit bichon, secret rituel. Resté seul en scène, le valet de pied ramasse la vaisselle avec la discrétion que vous entendez. Il bousille tout, quoi. Il pose son plateau, il éteint l'électricité, ou enfin non. Ah non, il cherche la petite bouteille, la bouteille de fine, il s'en verse un verre et hop, là, à la santé de madame. Mais voilà madame. Bon ça. Et ça hein? Oh, chameau. Oh, Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a chifflé, tiens. Il m'a chiffré! Mais espèce de petit voyou, Alisson! Il vient de pas trop! Mais ça me prendra, ce balan! Je suis sûr que tu n'as pris aucun renseignement. Monsieur. Oui, oh, comme tu fais tout, la flotte. Naturellement, ça va être ma faute. Oh, ma chère, c'est qu'il faut faire attention par ces temps d'attente. Oh, ma bonne, tu m'en demandes si j'ai engagé, n'est-ce pas? Qui? Qui te l'a recommandé? Mais des gens qui se pouvaient me fier. Qui? Sa famille. Oh, ça va être quelque chose de propre. Bah oui. Ah, il sait que c'est qui l'aurait reçu. Ah, il a de la chance de n'être qu'un gamin. Ah oui, ça surtout. Pourquoi surtout? Eh ben tiens, parce que je voudrais bien pouvoir en dire autant. Oh là. Enfin, je pense bien que tu vas pas garder ce polisson une heure de plus. Oh, ça. Il ira passer la nuit où il voudra, hein, sous les ponts, à l'hospitalité de nuit, c'est son affaire. Le renvoyera qui veut. Mais pas ici. Moi? J'ai trouvé tout en larmes. Il paraît que tu l'as giflé devant tout le monde. Tu as tué Wizoulon à croyer une calotte la première. Pas une sifflet liqueur. C'est pas ce que je te parle. L'as-tu caloté la première, Wizoulon? Bon, évidemment. Suffisant. En matière de duel, le règlement est péremptoire. C'est celui qui l'a reçu la première gifle qui l'a offensé. Le reste ne compte pas. Oh, permettez. Ah, puis ne répliquons pas. Je suis approximativement, que je me suppose, aussi déversé que vous sur les matières de l'honneur. Ancien brigadier de la paix, exprès vos régiments, vous comprenez que vous n'allez pas m'en remontrer. Hein? Il a reçu la calotte et de plus on l'a passé à tabac. C'est lui qui l'a offensé. Oui, bon, bah dis tout de suite que j'ai eu tort. Péremptoirement. Sans compter qu'une femme ne bat pas un homme, c'est anti-statutaire. Mais enfin, quoi? Vous n'attendez pas qu'il lui fasse des excuses? Et pourquoi pas? Ah non, non, non, non, non, non, monsieur Cochet! Messieurs, messieurs, circulez! Oh! Il n'y a pas de duel possible, n'est-ce pas? Ben, quand on a du tort, il n'y a pas d'autre à le reconnaître. Oh, c'est trop fort! Monsieur Étienne, je converse à ma fille. Veuillez donc avoir la chose de ne pas vous insérer dans nos discussions intestinales. Quand vous avez une scène avec Amélie, j'ai celui de ne pas y mettre mon mot, n'est-ce pas? Veuillez donc avoir celui d'en faire autant. Ah! Alors, Amélie, un bon mouvement, dis-y un mot. Oh, moi, si c'était toi! Je vous en prie, madame! Mais je dis comme vous! Ah bon, bah allez-y, vas-y, dis-y un mot! Écoute, il va falloir vous mettre! Ah, tu ne vas pas dire ça! Enfin, monsieur! Mais sacristie, j'ai le droit de donner mon avis! Enfin, je suis quelqu'un ici, c'est moi qui paye! Eh ben, ça suffit, contentez-vous de ça! C'est trop fort! Mais enfin, voyons, Bibichon! Oh, moi, tu sais, je suis de la classe! Mais oh, naturellement, naturellement! Ah, j'ai compris! Bah, qu'est-ce que tu veux, papa, puisque tu le demandes? Ah, non! J'aime mieux m'en aller! Oh. Eh ben, allez-vous-en! Ce manque de tactique! Là, je t'envoie de l'île, pas d'excuses, naturellement, simplement, dis-y un mot! Hein. Oui! Dis-y un mot! Mais oh, tu ne vas pas faire ça! Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... Oh, ça n'a aucune espèce d'importance! Entrez! Madame me fait demander. Ah, c'est toi, B. Eh ben allez, viens! Alors quoi, je t'ai fait mal tout à l'heure? Oh, si ce n'était que ça! Alors quoi? Oh, tu m'en veux? Oh, bon! Quoi, je t'ai fait de la peine? Allez, viens donc, va! Oh là là, grande dadée, va! Il m'a profondément humilié! Denis s'est assis sur les genoux de la maîtresse de maison, tout simplement. Et les autres vont arriver tout à l'heure, vous allez entendre. Oh! Oh! Laisse-moi! Eh ben quoi? Yeah. Tenez, monsieur, soyez content. Je viens de trouver madame avec son domestique sur les genoux. Ah, parfait, la paix est faite alors. C'est très bien. Ah, mais le couche avec le valet de pied, parbleu. Et le couche avec le valet de pied. Mais qu'est-ce que tu dis? Malheureux. C'est son frère. Oh, papa. Ah, puis zut, moi, c'est lâché. Je vois pas pourquoi je cacherais une chose qui est chic à Amélie. Quand il s'agit de la famille, au moins elle n'a pas les pieds nickelés, comme tant d'autres. Mmh. Elle s'est dit, j'ai un frère, j'ai des devoirs. Et elle l'a pris chez elle, comme domestique. Oh, papa, quoi? Tiens-y leur dire. Combien vous en trouvez qu'on aurait fait ça? Oh, ça, évidemment. Alors, mon pauvre petit, de quoi on suppose est capable? Oh, mon papa, oui. Alors, j'espère qu'après ça, monsieur, vous n'enfuserez pas d'obtempérer au retrait de vos allégations suppositoires. Quoi? Et pornographique. Oh. Allez, quoi, donne-lui la main. À lui? Oh, quoi, c'est ton beau-frère. Oh, de la main gauche. Celle-là, on n'est pas à côté près, hein. Allez. Soit, allons. Ça va bien? Bah, pas mal. Vous aussi? Pas mal, merci. Là, es-tu content? Oui, ah, on a sonné à Denis, mon chéri, allez, on voit sa sœur. Va, là, et puis va ouvrir. Oui, oui. Là. Oh, c'est bon, la famille. Oh. Qu'est-ce qui fait venir à cette heure-ci? Tu attends du monde? Oh, non, personne. Oui, mais c'est bon. Je vous dis, j'ai pas compris. On peut s'en aller? Oh, ben voilà. C'est une dame qui demande à te parler en particulier. À te parler en particulier? Non, écoute, choisis. Si c'est ton domestique, il ne te tutoie pas. Si c'est ton frère, enlève-lui la livrée. Oh, rose pas, hein. Mais... Oh, là, là. Bah, qu'est-ce que c'est que cette dame? Je sais pas. Bon, tu sais pas. Non, elle a pas voulu me dire son nom. C'est mauvais, ça. Hein? Alors, oh. Enfin, quoi, c'est une dame bien, oui. C'est l'air d'être une femme du monde. C'est gentil pour les femmes du monde. Enfin, elle a pas le chic d'Amélie, elle est habillée sombre. Monsieur, elle me le tape à l'œil. Où tu parles? Oh, Adonis, voyons. Pardon, ça m'est échappé, oh. Ça. Oh bah, ça doit être quelle coquetteuse. Les femmes du monde ne viennent jamais chez vous dans ces cas-là. Oh. Eh bah, fais l'entrée, on verra bien. Oui. Hein. Alors, pendant ce temps-là, nous allons oui, passer alors. À... Oui, c'est oui. Bien, Galdard. Oh, Bibichon, là-bas, du coup. Oui. Oh. Si madame veut entrer... C'est madame de Prémilly, elle est tout en mauve, bien, sombre, madame, avec une voilette très épaisse. Ah, madame, la démarche que je tente près de vous est d'un ordre tellement délicat, Oh, bon, remettez-vous, madame, remettez-vous. Eh bien, voilà, il s'agit d'une amie. Ah. Oh, pardonnez, je vous regarde. C'est curieux, il me semble que votre haine ne me sent pas inconnue. Oh, vous dites, madame, c'est possible, hein. Je fréquente beaucoup, alors. Non, non, mais est-ce qu'avant d'être ce que... Enfin, est-ce que vous avez toujours été... Oh, non, non, madame, non. Fille d'un ancien fonctionnaire de la République, je... Non, non, non, excusez-moi, c'est une ressemblance. Il n'y a pas de mal, madame. Alors, vous disiez que vous veniez... Pour une amie, une de mes bonnes amies. Je me suis chargée. Ah, l'amitié crée quelquefois de ses obligations. Excusez-moi de ne pas vous dire le nom de la personne, mais c'est une femme mariée, vous comprenez? Et vis-à-vis d'un mari, on ne doit pas oublier qu'on a des devoirs. Ah oui, oui. Mais serait-ce au sujet de son mari que... Non, non, non, c'est au sujet de son amant. Ah bon? Ah, si vous saviez comme elle l'aime, c'est son premier amant, pensez donc. Oh, pauvre femme. Et vous ne vous figurez pas ce que c'est pour une femme mariée, le premier amant, ce que ça représente de choses exquises, d'hésitation, de lutte, de remords de conscience. Oh, la première faute! Mais madame, vous devez avoir connu ça. Oh, madame, oui, hein. Eh bien, rappelez-vous. Oui, moi, vous savez, depuis, hein. Il y a tant d'eau qu'à passer sous le pont, hein. Non, mais pas pour elle, pas pour mon ami. Pour elle, c'est le premier, c'est l'unique. Ah, si elle devait le perdre, hein, ce serait horrible. Oh, on vous l'aimait donc bien. Oh, follement. Ah, vous êtes charmante. Et quoi donc? Qu'est-ce que vous m'avez fait dire? Mais non, c'est pour mon ami. Oh, alors, alors, vous vous méfiez donc bien de moi. Oh, madame. Moi, vous savez, je vous connais pas, hein, alors par conséquent. Et puis la discrétion, hein, c'est notre devoir professionnel. Oh, et puis tant pis, il faut avoir le courage de ces actes. Madame, mais oui, madame. Eh bien, oui, madame, c'est moi. Si vous croyez qu'il m'a fallu tant de temps pour le deviner... Oh, alors dites-moi que c'est pas vrai, ce que j'ai appris, ce serait si mal. Vous qui pouvez en avoir tant que vous voulez, et moi qui n'en ai qu'un, changez donc. Oh, l'univers entier, tout le reste des hommes, je vous l'abandonne. Mais pas lui, laissez-le-moi. Mais quoi, quoi? Oh, dites que ce n'est pas vrai qu'il doit vous épouser. Qui? Marcel Bourbon. Oh, Marcel, moi, parce que c'est drôle. Oh, attendez, madame, attendez. Excusez-moi, attendez, attendez. Étienne, Étienne. Quoi? Étienne, voilà madame. Madame? Oui, madame qui vient tout affolée me demander. Au nom de mon ami. Au nom d'une de ses bonnes amies, s'il est vrai que j'épouse Marcel Courbois. Marcel Courbois? Marcel, qu'est-ce que c'est drôle? Marcel Courbois, alors ça, là. Oh, mais vraiment, c'est si drôle que ça. Oh, madame, que vous aimez donc bien, madame, votre amie. Oui, je. Oh, vous voyez bien, allez, ça trompe personne. Oh, et puis maintenant, j'en ai pris mon parti. Marcel Courbois, qui a pu vous faire supposer? Et bien voilà, c'est ce matin. Comme c'était dimanche, j'étais allée à la messe de 11h. Ah. Elle a passé chez lui. Ah bon? Alors comme il s'habillait, histoire de passer le temps, j'ai un peu fouillé dans ses papiers. Et naturellement. Et j'ai trouvé une lettre, ou plutôt le brouillon d'une lettre qu'il avait écrite à son parrain, et dans laquelle il annonçait son prochain mariage avec mademoiselle Amélie d'Avranches. Oui, avec moi, crois-tu? Vous êtes insensé, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça. Mais tout ça est incompréhensible. Ah, écoutez, oui. Madame, je ne suis pas en mesure de vous donner la clé de ce rébus. Quand je verrai Marcel, je lui demanderai. En tout cas, tranquillisez-vous. Je vois que vous vous intéressez à Marcel. Oh, si je m'y intéresse. Ah oui, vous me diriez le contraire, que je ne vous croirais pas. Eh bien, je vous garantis que toutes vos appréhensions sont sans objet. Je connais Marcel à fond, c'est mon meilleur ami. Vous êtes son confident? Toutes ces fois-ci, je me les confie. Oh, mais alors vous devez me connaître. Moi? Ah mais non, madame, non, non. Oh, il ne m'aime donc pas. Mais pourquoi donc? Enfin, qu'il n'ait pas éprouvé le besoin. Mais ce n'est pas ça, madame, mais son devoir de galant homme. Mais justement, quand on aime vraiment, oh, celui qui peut rester confiné dans son devoir de galant homme n'aime pas sérieusement. Oh, comme c'est vrai. Hein. Allons, je vois que j'ai tort de le faire à la discrétion. Eh bien oui, je vous connais. Je vous connais, madame la comtesse. Madame la comtesse. Oh, il vous a mis au courant, c'est bien cela, c'est bien. Madame la comtesse! Oh, ça y est, j'y suis. Oui, j'écoutais votre voix, puis à l'instant, je me disais, je connais ce timbre. Ben voilà, ça y est, ça m'éclaire. Oh, madame, oh, vous ne seriez pas madame la comtesse de Prémilly? Hein? Vous me connaissez? Oh, ben vous-même, madame, tout à l'heure. Ne me reconnaissiez-vous pas? Oh, mais alors c'est bien ça, je ne me trompais pas. Amélie! Pochet! Mon ancienne femme de chambre! Eh ben, c'est moi! Oh, ma pauvre enfant! Comment tu étais femme de chambre, toi? Oh, zut, je pensais plus que t'étais là, toi! Oh, pardon, pardon, pardon, madame! Oh, j'ai dit zut! Oh, comment c'est vous? Il me semblait bien, n'est-ce pas? seulement j'hésitais, ce changement de situation, ce cadre tout autre, sans compter les cheveux qui étaient d'une autre couleur. Oui, ils ont un peu éclairci, je sais pas pourquoi. Moi non plus, et puis enfin Amélie d'Avranches, vous que j'avais quitté Crochet, c'est court. Oh, oui, enfin Crochet, hein, c'était pas un nom pour la galanterie, non. Puis enfin pour mon père, n'est-ce pas? Et madame va bien, oui. Et monsieur, oui. Monsieur va bien, merci. Il a été un peu souffrant, le pauvre homme. Oh, pauvre monsieur. Mais ça va maintenant. Ah non, tant mieux, tant mieux. Oh. Asseyez-vous donc. Devant madame. Voyons. Ben, ça, c'est trop d'honneur. Ah ben. Si je m'attendais, hein. N'est-ce pas? D'ailleurs, je vous avoue que je me félicite en cette circonstance, pénétrant dans un monde que je ne connaissais pas, me trouver comme ça en monde de connaissances. Alors, vous êtes devenue... Cocotte, oui, madame. Oui, comment avez-vous pu tomber à... L'ambition, quoi. Vous savez, j'ai toujours eu ça dans la tête, hein. Comme j'étais pas faite pour le métier de femme de chambre, non. Dommage, vous aviez un bon service. Elle l'a toujours. Oui, vous étiez coquette, vous adoriez les rubans, les colifichets. Vous aimiez à vous parfumer avec mes parfums. Oh, avec mes gages, je ne pouvais m'offrir que ceux de madame. Il vous arrivait même de m'emprunter mes robes sans me le dire. Oh, mais je les remettais, hein. Moi aussi. Oh. Enfin, vous ne songez qu'à votre coiffure, vous vouliez être ondulée comme les dames. C'est même ça qui vous a fait renvoyer. Oh, je me souviens. Quand j'avais pris les gousses de vanille pour m'en faire des bigoudis. Non. Oui. Oh, les gousses de vanille, tu vois ça d'ici, hein. Avouez que ça dépasse les bornes. Ça dépassait, madame, ça dépassait. Eh bien, malgré tout, vous l'épouse, vous pouvez souvent bien regretter. Oh, ben, madame est bien bonne, hein. Quand on voit le mal qu'on a aujourd'hui à trouver une bonne femme de chambre. Alors, vraiment, madame, ne m'en parlez pas, vous suis en genre. Il n'y a plus moyen d'être aussi. Ça ne dérange pas, nous partons. Oui, ça va. Alors, vous voulez aller dans les bijoux. Je pars ce soir pour vous. Alors, les bijoux, ça, oui. Et bien des choses à Caroline. Mais il m'en prend pas. Et c'est sa sœur, Caroline. Ah oui. Mais c'est la sœur, la petite brune, là. Oui, tenez, il vous dit, c'est Dieu. Au revoir. Ah, vous ne savez pas dire à quel point je suis heureuse, madame. Je suis dévouée à madame. Ah oui, mais si je me trompe, monsieur, vous devez être... Oh, c'est mon avis. Oui, ça. Non, mais le meilleur ami de Marcel, vous êtes monsieur Étienne de Milieu. Ah, je vois qu'il vous a parlé de moi. Et pas en mal, je vous assure. Voilà, la bande est expédiée. Ah, bon. Ah, pardon. Non, restez. Papa! Ah oui, parfaitement, je remets très bien. Ah bon, tu reconnais pas madame? Oh, madame de Prémilly! Oh, par exemple! Oh, mais je pense bien. Vous veniez souvent chez moi voir votre fille, vous souvenez-vous? Vous étiez alors gardien de la paix. Oui, enfin, brigadier. Ah, mais je pense bien si j'en mets madame. Ah, bah, et ça va bien? Très bien, merci. J'espère que madame a vieilli à la bonne heure. Oh, ben vous en avez de bonne. Ah, ben alors, madame comprend comme je l'entends. Je ne veux pas dire par là que madame est devenue vieille. Mais qu'est-ce que je dirais, moi, alors? Non. Pendant ce temps-là, madame avait l'air d'une gosse, positivement. On avait envie de la prendre sur ses genoux. Maintenant, madame est une femme. Ah, bon. Tu veux bien t'expliquer, hein? Il n'y a pas de mal, allez. Il faut bien s'attendre à vieillir comme les autres. Et je n'y mets pas de coquetterie. Mais si je me souviens, vous aviez un petit frère. Oui, oui, ben je l'ai toujours. Je l'avons toujours. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il doit être grand maintenant. Oui, je l'ai chez moi. Il est resté aussi joli. Il était ravissant comme enfant. Oh, ben il est pas mal. C'est moi, alors, mignon. Oui, ben si, madame Delgar. Volontiers. Oui, oh, ben c'est pas difficile. Nous allons voir. Il reconnaîtra madame. Hein. Madame a sonné. Oui, viens. Dis bonjour à madame. Bonjour, madame. C'est lui qui m'a ouvert tout à l'heure. Oh, ben oui, en fait, c'est vrai. Eh ben, tu reconnais pas madame? Non. Oh, ben c'est madame. Madame, chez qui t'allais quand t'étais petit? Vous ne vous rappelez pas? La dame qui vous a donné une montre en argent. Ah, oui, même que je l'ai échangé avec un camarade de la mutuelle contre une seringue. Oui. Oh, voilà une idée. Mais pourquoi une seringue? Ben, parce qu'avec une seringue, je pouvais seringuer les gens, tandis qu'avec une montre... Oh, écoute, c'est idiot, hein. Ah, mais je l'ai regretté depuis, hein. Parce que pour savoir l'heure, une seringue... Alors, vous me reconnaissez? Ben, pas du tout. Eh ben, c'est madame. Ah. Madame le trouve changé, hein. Dame, c'est aujourd'hui un homme, et j'avais quitté un enfant. Oui, papa, comment qu'elle s'appelle? Madame de Prémilly. Ah oui, celle qui avait fait chier Amélie à la porte, elle raconte des bégonies. Est-ce qu'il est comme ça ou pas? Il est en train de remettre madame. Ah, la bonne heure. Ah, c'est gentil, ce petit tableau de famille, là. Tiens, on s'en... Oui, oui, va-t-il. Ça s'ouvrir, non. Ça t'a fait le salon. Oui, non, le salon. Viens-moi, ma bonne Amélie, je voulais. Décidément, madame Sarr. Oui, oui, vous avez du monde, n'est-ce pas? C'est monsieur Courbois. Bonjour les enfants. Oh, toi, vous? Vous ici, madame? Oh, que ce madame est donc bien. Qu'est-ce que vous faites là, votre place n'est pas ici? Ah bah dis donc. Mais absolument. Je vous expliquerai. Ah oui, mais d'abord à toi de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mariage. Tu épouses Amélie? Ah, vous épousez Amélie? Mais non, mais comment? Non, et un, qu'est-ce qui vous allez faire? Mon ami, c'est moi. Comment? Par une lettre que j'ai lue. Vous? Oui, par erreur. Alors vous fouillez ma correspondance? Oh, mais non, si c'est pour nous, ne gêne pas, tu peux lui dire tu, là. Et alors, tu as douté de moi? Oh, on en douterait à moi? Oui, enfin pourquoi? Mais pourquoi ce mariage? Oui. Alors, pourquoi? Parce que si vous voulez le savoir, j'ai des embêtements par-dessus la tête et que ce mariage est pour moi le seul moyen d'en sortir. Hein? Et alors tu l'épouses? Oui. Ah. Mais non. Et je fais semblant de l'épouser. Ah, semblant? Pourquoi? Parce que j'en ai assez de la mouise où je me débat depuis un an. La mouise? Oui. C'est-à-dire la purée, quoi. La purée? Oui, la débine. La débine. La crotte. La crotte. Je n'ai plus un sou, quoi. Alors, j'ai plus un sou, voilà. Oh, ma poupée, mais je ne savais pas si je pouvais. Oh, tais-toi. Oh, tu pourrais que moi, je ne pourrais pas. Oh, les préjugés, alors. N'est-ce pas? Non, alors, à la fin, je me suis dit, c'est trop bête, n'est-ce pas? Quand on a un sou à 1200 000 francs... Ah, mais c'est vrai, au fait, tu as 1200 000 francs. 1200 000 francs? 1200 000 francs? Vous avez 1200 000 francs? Oui, j'ai 1200 000 francs. Asseyez-vous donc. Pas la peine, il peut pas y toucher. Oh, mais c'est ce qui m'enrage. C'est encore une de ces idées de mon pauvre père. Ah, je l'aimais bien, celui-là, mais ce qu'il pouvait voir de travers. Ne s'imaginait-il pas qu'un jeune homme ne pouvait être à même de diriger sa fortune sans se la faire manger par des cocottes? Oh, c'est coco, hein. Alors, conséquence de quoi, il m'a laissé juste de quoi pour crever de genre 6000 livres de rente, la purée, quoi. Oui. Alors, tu parles, et hein? Quant aux 1200 000, il les avait remis en fidéicommis. Oh, en quoi? En fidéicommis. Oui, ça veut dire remis à la bonne foi. C'est voilà. Un capital que l'on remet de la main à la main à tiers avec mission de le remettre à la personne à qui il était destiné. Oh, oui. Comme qui dirait Bibichon, quoi. Quand je lui donne un louis pour qu'il me prenne un cheval, au bout qu'au Paris Mutuel. Voilà, tu y es, ça n'a aucun rapport, mais c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, mais. En fidéicommis à mon parrain, à charge par lui de me verser la somme le jour où je me marierai. Oh, mais alors je comprends ce mariage. L'expédient du désespoir. Quoi, ça réussira ou ça réussira pas, je risque le paquet. C'est ça, et alors tu annonçais à ton parrain que tu épousais Amélie. Comme tu dis. Elle est bonne, elle est bien bonne. C'est quoi? Eh ben, mademoiselle Amélie d'Avranches, jeune fille d'une excellente famille. Eh ben, tiens. Et j'ai joint à l'envoi la photographie de la jeune personne annoncée à l'intérieur. Eh ben, t'es bien gentil, je te donne encore ma photo. Ça, hein. Ah, depuis qu'est-ce que tu veux? Quand on craque, c'est pas comme quand on craque pas. Ouais. Faut donner des choses probantes, moi. J'avais toi sous la main, ben, je t'ai envoyé. Ah, ben, t'es bien gentil, va. Puis comme ça, moi, je me balade en long. Eh bien, ça va tout seul, tout ça me paraît très bien combiné. Mais non, mais ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça que je suis là. Ah. Mon parrain n'a pas voulu se contenter de la lettre. Il a tenu à s'assurer par lui-même et il est venu. Non. Il a débarqué chez moi tout à l'heure. Et il m'a dit, c'est moi, fils que. Hein, maman. Oui, parce qu'il est d'envers. C'est moi, fils que... Non, il habite la Hollande, mais il est d'envers. C'est moi, fils que je te paye la surprise. Oh, oh, la charmante surprise. Ah oui, ah bah tu parles alors. Il faut que tu me présentes une fois le jeune fille donc. Ah, puis alors c'est moi la jeune fille. Oh, bah, c'est toi la jeune fille. Eh ben quoi, elle est pas mariée que je sais pas. Ah non, alors ça pour ce qui est de ça. Et non, bah, alors, ça, non alors vous pensez que je me le suis pas fait dire deux fois. J'ai vite pris mes clics et mes claques pour aller vous prévenir. Et me voilà. Bon, rien alors quoi, mes enfants? Mais y a pas, il s'agit plus de blaguer. Nous jouons le tout pour le tout. Le parrain veut voir la fiancée. Faut que je lui présente la fiancée. Comment? Amélie? Ah! Non, tu sais, non. Ça, non. Ah, il tient, mon vieux. Non, Marcel. Tiens. Amélie, Guy, tu vas pas me laisser en plan, hein? Oh, écoute, tout de même, il va falloir, là. Non, enfin, écoute, 1200 000 francs, tu me feras pas manquer ça. Amélie, ma fille, vous ne pouvez pas lui faire manquer ça. Non, tu ne peux pas. Non, mais enfin, écoute, 1200 000 francs, tu penses que je te ferai un beau cadeau? Oh, ton cadeau, mais j'en veux pas de ton cadeau, quoi. Mais si, mais... Ouais, non. Pas dire ça. C'est désobligeant. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Avant tout, il y a toi. Oh, puis madame, à qui je suis profondément dévouée. À toi, toi? Oui, c'est un secret entre nous deux. Alors, ma petite Amélie, mais, hein? Bah, alors, sois toi, je ferai de mon mieux. Oh, hein? Merci, Amélie. Merci. Oh, là, là, merci. Merci, oh, ma bonne Amélie. Merci, toi. Hein? Merci, merci. Bien oui, mais le mariage, il verra bien qu'il n'y a pas de mariage. Ça, c'est vrai. Mais, non, mais taisez-vous. Ça a été ma première crainte. Dieu merci, tout va bien. Il part pour 2 mois en Amérique. Alors vous pensez si je me suis dépêché de fixer la date de mon prétendu mariage dans le courant de cette période? Alors il m'a dit, écoute, fils que... Je... Oui, parce qu'il est dans vert. Écoute, fils que... Je... Non, il habite la Hollande, mais il est dans vert. Ah, vous savez, ça... Oui. Écoute, fils que, je ne saurais pas être là pour la cérémonie, mais si ça t'équif-kif, une fois marié, je te ferai parvenir le montant de ta fortune. Comment si ça m'équif-kif, tu parles? Ouais, c'est parfait, mon vieux, ça va comme sur des roulettes. Eh bien alors, monsieur mon fiancé, voici ma main. Mademoiselle! Mon gendre dans mes bras. Oh, mon père, vous me comblez. Et quand va-t-il venir, ton parrain? Ah, ben je ne sais pas, aujourd'hui, tout à l'heure. Ah, le voilà! Oh, alors décidément, madame Sarr. Oui, je n'ai que faire dans ces entrevues de famille. Oui. Eh ben, c'est mon parrain. Le général Kochnadiev. Ah bon. Ah, c'est pas le monde. Kochnadiev, qu'est-ce que ça? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Ça va lui demander, voyons. Oui. Oh. Allons, ma bonne amie. Oh, madame, si c'est dévoué à madame. Oui. Peut-être ma fille. Ah, et si jamais madame a besoin de moi, ou de papa. Merci, oui. Ben voilà. Il dit que c'est pour une entrevue diplomatique. Oh, pas diplomatique. Oh ben quoi, reçois-le, tu verras bien. Bon, bon, ben, fais-le entrer dans un instant. Oui. Bon, alors, moi, pendant ce temps-là, je vais me remettre en bourgeois. Hein. Tu viens, Martin? Oui, ben, tu parles. Au revoir, ma petite Irène. Et demain, suite. Allez, viens, Marie, viens. Monsieur veut entrer. Et voici le général Kochnadiev. C'est le slave 100% tel qu'on devait le faire en 1900-1910. Mais quoi? Monsieur? La maîtresse de séance. Ah ben, elle va venir, monsieur, j'étais la prévenue. Très bien. Hop. Dites-moi, valet. Monsieur? Quelle femme? Des amants, beaucoup, hein, combien? Qui? La maîtresse de Sia. Oh, ben moi je sais pas, moi, monsieur lui demande lui-même. Oh, c'est qui, allez? Oh, c'est une casserole. Hop, valet. Monsieur? Prenez celui. Oh, merci, monsieur. Et faites-moi la monnaie, je vous prie. Ah? Oui. V'là tout? V'là tout. Cosaque, va. Te la voilà, madame. Monsieur? Général Kochnadiev. Général Kochnadiev, premier aide de camp de son Altesse royale, le prince Nicolas de Palestine. Oh, très honoré, général. C'est son Altesse qui m'envoie vers vous. Son Altesse? Le prince est donc très amoureux de vous. De moi, mais... Il ne me connaît pas. Je vous demande pardon. Vous étiez bien une fois au gala du français, lors de la dernière visite officielle du prince à Paris, au Fauteuil de Roquette. Mais, en effet, et en bien effet. Le prince vous a remarqué. Oh, vraiment? Certes, il a même demandé au président de la République qui vous étiez. Non. Mais le président n'a pas pu le renseigner. Oh? Non. Tu as... Oui. Alors nous avons détaché un attaché de l'ambassade. J'ai mis un rapport avec la police, laquelle le lendemain nous a fait parvenir une fiche. Une fiche? Une fiche. Je sais comme cela que le prince a eu la joie d'apprendre qui vous étiez. C'est la galante. Son Altesse est très épris. Elle a le pépin, comme vous dites. Je crois que c'est devenu incognito. C'est beaucoup pour vous. Oh, à ce point. Ah! Si je vous disais que la première chose que le prince m'a dit à l'Altesse, c'est d'aller à l'hôtel, sur l'honneur. C'est une parole d'amour pour vous. Oh, le prince est donc très sentimental. Très. Il m'a dit qu'on s'est guère en bon cours, c'est de l'arrange ma salle sur que je compte. Ah oui, comme ça. Positivement. Eh ben, mon ouh, il est très amoureux. Alors voilà, je fais la démarche. Ah bon, parce que c'est vous qui... Moi, je vous dépose. Oh. Oui, je comprends, c'est un peu délicat. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de démarche. Oh, oh. Ben si, alors. Ah, oh, pensez bien que tous les jours. Vie ma part ordinairement, hein. C'est point général. Vraiment, c'est bien. Ah, comme c'est curieux. Ah, vie. En par esprit, c'est moi que j'ai l'honneur d'être chargé. Ah, je suis là de le camp de son altesse. Ah, évidemment, évidemment. Alors, dites-moi quoi, voyons. Quand? Quoi, quand? Quelle nuit voulez-vous? Ah, non, mais dites donc, général. Oh, vous avez une façon de vous flanquer ça dans l'estomac, alors. Mais moi, je suis pas libre, hein, général. J'ai un ami. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut? Les décorations peut-être? Comment de l'autre, on laisse ça. Non, mais il ne s'agit pas de ça du tout. Non, je suis fidèle à mon amant. Bon, alors grand officier avec plaque, ça pourra tout de la mer. Non, il ne s'agit pas mais de alors, ça. Mais alors, quoi, si un refus, vous déconduisez son altesse. Ah, ça, je n'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Oh, bah tiens. Mais songez qu'il s'agit d'une altesse royale et tromper son amant avec une altesse royale. Ce n'est donc déjà plus positivement le tromper. Surtout qu'on n'est pas obligé de lui dire. Pour Dieu le Père, non. Justement, j'ai mon ami là qui part ce soir à Rouen faire ses 28 jours. Là, vous voyez comme le Seigneur fait les choses. Et enfin, une altesse royale. Très bien. Nous sommes d'accord. Son altesse a l'habitude, après chaque visite, de donner 10 000 francs. Ah, 10 000 francs? 10 000. C'est donc une somme de 9 000 francs que j'aurai à vous remettre. De 9. De 9. Ah oui, parce que c'est vous qui... Quoi? De neuf, pardon. Nous sommes d'accord. Ah, bah mon lapin, hein. Oh, oh. Tout le monde, pardon. Quoi? J'ai porté la monnaie de 20 francs qu'on a demandé à Denis. Ah. C'est moi, pardon. Ah, voilà 3 et 5 pièces de 20 sous qu'il faut 20. Je vous le regarde, gardez. Merci. Mon père, le général... Constantin. Oui, c'est ça, c'est ça. Le général coche, oui, enfin comme il dit quoi, premier aide de camp de son Altesse, le prince de Palestine. Ah, c'est très heureux, positivement. Ah. Vous avez une fille en vérité. Ah, ah. Si cela peut vous être agréable d'être le commandeur de l'ordre de Palestine. Ah, moi, ben, je pense bien, mais à quel titre? Service exceptionnel. Ah. Madame, j'aurai donc l'honneur d'accompagner tout à l'heure son Altesse, qui viendra vous présenter ses hommages. Le prince, le prince ici. Oui. Présentement. Allez, vous ferez cet honneur. Oui, c'est il n'y a rien pour faire voisin, pour être. Ah, pas de chichi, le prince désire l'incognito. Ah ben, je le regrette, ça aurait fait bien pour les voisins. Oui, Amélie. C'est Amélie. Pardon, monsieur. Le voilà, il arrive. Mais mon parrain, Van Coutzebou. Mais ça, c'est net. Coutzebou. Non, Van. Tiens, le voilà. Va, oui. Dieu, encore pardon. Pardon. Alors, vous présentez mes devoirs. Monsieur le père. Il doit pour la petite déclaration. Oh, attends. Oh, par ici, entrez. Entrez. Voici le parrain, Van Coutzebou. Eh ben, me voilà, moi. À la bonne heure. Il a des cheveux blancs, une jaquette noire et il est rouge. Dans ce foyer familial, n'est-ce pas? Oui. Pardon. Mon parrain, permettez-moi de vous présenter... Attends, fils, que je devine. Mademoiselle Amélie d'Avranches, c'est vous. C'est moi. Ah, j'ai deviné. Il est fort. Monsieur Marcel nous avait annoncé votre venue, monsieur. Et nous vous attendions avec impatience. Oh. Le... N'est-ce pas? Ah, comme la venue de Messine. Ah. Bien, ça, c'est bien, ça. Dès que petit, je te félicite. C'est un beau bras de même. Monsieur. Si. C'est dit comme ça, hein? N'est-ce pas? Tiens donc, n'est-ce pas, monsieur? C'est ma fille. Oui. Oui? Eh bien, je te complimente. Vous savez faire, savez-vous? On s'est mis deux, je vous dirais. Oui, ça je pense. On s'est mis deux. On s'est mis deux. Oui, devant elle, pas de fort de mon. Monsieur d'Avranches, n'est-ce pas? Pochet. D'Avranches, oui, Pochet d'Avranches. Très heureux, monsieur. Votre main, donc. Mademoiselle, c'est un vieil habitant de la Hollande. Il a fait tout exprès le voyage pour vous apporter tous ses voeux de bonheur. Oh, mon parrain. Oui, c'est ça. Nommez-moi le parrain. Ça raccourcit les distances. Tu permets que je l'habille? Quoi? Que j'ai la biche. Une biche. Tu sais pas qu'est-ce que c'est une biche? Ah! Mais mon parrain, mais visé. Oui. Est-ce que je sais vous embrasser? Comment si vous savez? Ben, vous êtes plus à même que moi, non, hein? Non, il demande s'il peut. Oh, comment donc? Cette joue virginale. Il me semble que je bise sur un bouton de ronce. Eh bien, mademoiselle Amélie, vous êtes contente que vous mariez mon filleul? Certes, monsieur Jaïm. J'aime monsieur Marcel et je suis heureuse de devenir sa femme. Tu entends, ça fait ça? Ah, toute ma vie, toute pour cette parole d'amour. Oh, mon ami, pas avant l'hyménée. Ou pas. Oh, chaste jeune fille. Ça est pur comme de l'or. Oh, et c'est rare par le temps qui court. Ouais, l'or. Non, la pureté. Ça va aller l'or. Maintenant, permettez-moi, je vous ai apporté. Vous devriez aimer les bijoux. Oh, tu parles. Comment? Oui, je dis. Les perles, les diamants, enfin, c'est pas pour les jeunes filles. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que vous mariez Marcel, ça a changé, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne savez pas porter des diamants? Si, je sais. Ah, essayez un peu pour voir. Oui? Ah, bien, ça serait bien, ça. Alors, permettez que vous acceptiez ce petit souvenir. Je l'ai fait monter juste expressément pour vous. Qu'il les batte. S'il vous plaît. C'est une expression. Oui, ça vient de qu'il est bon, qu'il est chic, enfin, qu'il les batte, quoi. Il les batte. Oh là là, c'est vous qui êtes chic. Oh, je vous embrasse, allez. Ça crie comme une main. Oh, mon gars, papa. Voyons. Beau, hein. Oh, super. Merveilleux. Un canot, hein. On dirait du cristal. Oh, on s'en donnera du cristal. Ça vaut au moins ça. Alors, voyons. Ça. Il nous garde pas, voyons, papa. C'est pour dire, j'ai pas l'intention de le payer, bien sûr. Pas seulement, il était battant. Oui, il est pas mort. Il est battant. Il est super. Et conséquent. C'est un solitaire. Ah oui, eh ben tenez, voilà peut-être son seul défaut. Je l'ai choisi entre mille, ça va. Les brillants, c'est ma partie, n'est-ce pas? Oui. Oui. En Europe, je fais dans les diamants. Quel luxe! Il ne reste plus qu'à faire la collection. Oui, ça est vrai, mais pour ça, je n'y peux rien. Pour ça, son mari est là. Ma vraie vision. Mais comment donc? Maintenant, tu vas toucher la grosse fortune. D'accord. Ah, c'est toi que tu auras passé sur l'hôtel de ville. Ah, c'est tiens donc, bourgmestre. Le mariage. Il n'y a rien à faire. Ah hein. Oh, non, écoutez, est-ce que vous êtes chic? Ah, il faut que je vous réembrasse. Allez, ne gêne pas, petite. Je crois que vous êtes contente. Oh, hein. Là. C'est moi qui aime mieux ça que les fleurs. Hein. Oh, mais je pense que vous avez reçu aussi ma corbeille. Non. J'ai pas reçu de corbeille, moi. T'as vu une corbeille, toi, papa? Ah oui, de corbeille. On n'a pas apporté une corbeille? Non. Eh ben, cela, mais qu'est-ce qu'il faut, ces animaux? Eh ben, vous n'avez pas le téléphone? Que je reprends une sauvonnade? Mais là. C'est le fleuriste, là, boulevard de la Madeleine. Ah, qui vend des bouquets de mariage et des couronnes de mortuaires. Ah, l'Andouzel. Oui. Ils sont bêtes, hein, vous, dans cette maison. Je leur dis comme ça, c'est pour mademoiselle Amélie d'Avanche, la jeune fille du monde. Qui marie monsieur Marcel Courbois, oui. Vous devez savoir ça. Il me répond, non, des Milly d'Avranches, on ne sait que les d'Avranches, qu'elle est avec monsieur de Milédieu. Allez, qu'est-ce que tu chantes, on se passe du tout, et vous prenez pour une cocotte. Oh, oui, j'ai des expressions devant vous. Ah. Je n'ai pas compris, monsieur. Oh, ingénuité, quel trésor. Votre mari vous expliquera plus tard. Pas vrai, monsieur? C'est pas pour les jeunes filles. Là, je me suis changé. Monsieur Chopin. Pas le Chopin. Quoi? Mon cousin. Son cousin. Son cousin. Et le cousin d'Amélie. Monsieur, mes compliments. Oh, ben là, son cousin, zut. Monsieur Van Badamou. Non. Putsch boum. Oui, putsch, c'est ça. Boum. Putsch boum. Enchanté, monsieur, enchanté. Oh, mais attends un peu. Let's go. je connais un chauffeur à Rotterdam. Ah, vous êtes bien heureux. Et lui, le chauffeur, oui, qui fait dans la 17. Non, oh le sale. Est-ce que... Vous n'êtes pas de vos parents? Ah non, non, ça non, je n'ai pas de parents qui fassent dans la misère. Ah, bon, très bon dans la misère. Je vous l'offre moi. Oh ben merci, après ce que vous m'en avez dit. Vous en faites d'autres? Elle est meilleure que les autres. Eh ben tant mieux. Tant mieux pour elle. Mais si vous permettez, j'ai pas téléphoné pour les filles. Oui, oui, mais... Non, ça, avec ce monsieur de Milletier. Bah oh, rien, je ris en pensant de ça, ce monsieur de Milletier. Comment il rit? Quelle brute! Ah, mais dites donc, voyons donc. Comment ça, pourquoi se fout-il de moi, j'attends quelle brute? Non, mais la brute, c'est pas toi. Non, c'est le fleuriste. Quel fleuriste? Ah, un fleuriste à qui il a commandé une corbelle. Quelle corbelle? Mais la corbelle pour Amélie. Tu comprends rien. Ah, ben enfin. C'est un décide de fleuriste. Oh, mais... Ah, il a maladresse de lui parler de mademoiselle Amélie d'Avange, qui était la maîtresse de monsieur de Milledieu. Eh ben... Bah dès lors, je ne peux plus le présenter. Pourquoi? Mais parce que la fiancée de Marcel Courbois ne peut pas être la maîtresse de monsieur de Milledieu. Ah, c'est ça. Et alors moi, je suis devenu Chopin. Eh ben voilà. Ah ben vous en avez de bonnes alors. Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux? C'est une question de jour. Lui, une fois parti, te prendra ton nom. Tu es bien beau de me le rendre. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen d'avoir la communication. Je viens, t'affole pas, papa. Je viens. Hé, tu as vu la belle bague qui m'a donnée? Oui, alors elle est belle. Mais elle est belle. Oui, elle est très belle, très belle. Écoute, mon vieux, moi je suis désolé de t'embêter comme ça. Mais pourquoi? Mais tu blagues. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse après tout? D'autant que je pars tout à l'heure, par conséquent. En valeur! Et même au fond, tiens, ça m'arrange très bien. Je voulais justement te demander un service, or il découle tout seul de la situation. Mais parle, quoi! Eh bien voilà. Tu sais, entre nous, combien je tiens à Amélie. Ah, si j'avais pu l'emmener avec moi là-bas. Mais j'y réfléchis qu'une ville de garnison avec des supérieurs hiérarchiques quand on est une jolie maîtresse, c'est pas prudent. Ah, mais Amélie, t'es fidèle! Oui, je ne dis pas, enfin, jusqu'à preuve du contraire. D'autre part, la laissant à Paris toute seule, elle va s'embêter. Il y a bien des copains, mais au fond, je les connais, mon vieux. C'est des cochons. Oh, c'est des cochons. Alors, il n'y a que toi. Toi, tu es mon meilleur ami, j'ai confiance en toi comme en moi-même. Amélie te porte de l'affection. Eh bien, rends-moi ce service. Pendant que je ne serai pas là, occupe-toi d'Amélie. Qui, moi? Oui, balade-la, mène-la au théâtre, déjeune, dîne, soupe, marche. Ah, aussi? Aussi, oui. Eh, hey, là, non, non, c'est une expression. Oui, oui. On en marche, en fait, je veux dire quoi? Vas-y, la dîner, souper. Oh, ben non, mon vieux, tu blagues. C'est justement pour l'empêcher d'avoir des velléités. Compris et entendu, tu peux te fier à moi. Mais c'est bien. Là. Je m'occuperai d'Amélie. Merci, là. De rien, de rien, de rien. T'as pas moyen, frère. J'aurais pu vite d'y aller moi-même. Non, Tu viens avec Pichet? Oui, où ça? Oui, le fleuriste, donc. J'ai en bas un taxicoto. Un quoi? Un taxicoton. Ça! Oui, oui, un taxicoton. Oui, oui, oui, oui. On sera en mieux avant de ne partir. Mais oui, mais volontiers. Mais il n'y a pas eu même qu'à voir la communication. Non! C'était greffé sur une espèce de mannequin insupportable qui s'est fait bondir. Allez-vous-en! Il voulait absolument que je lui donne monsieur de Milledieu. Moi? Moi, moi! Je suis en dedans, mon pauvre. Non, non, mais qui t'y demandait monsieur de Milledieu? Je suis censé, moi! Je ne lui ai pas demandé! On s'en fiche! Ah non, mais c'est ça, il me coupe les communications. Ah non, tu sais, là, c'est trop raide. De toute façon, l'envoyer dinguer mes amis, alors... Dis-toi, on va dans un quart d'heure, puis voilà de quoi tu t'occupes, hein, du téléphone. Oh, il faut s'accrocher quelques minutes à ton petit Amélie. Ouais, tu as raison, après tout. D'autant plus que depuis ce matin, nous n'avons pu être l'un à l'autre un seul instant. Eh ben, il est pas trop tôt pour qu'il t'en aperçoive. Alors, hein? Pendant 28 jours, ça va être l'abstinence. Oh, le jeûne, hein? Et quand on va se quitter pour si longtemps, on serrerait la main et voilà tout. Oh non, alors. On ne se dirait pas un dernier bon petit adieu. Oh, bah si. Là, bien intime. Oh, bah oui. Là, tu as vu comme elle est jolie, ta chambre? Oh, dis donc, Étienne. Hein? Oui, viens voir ta chambre comme elle est jolie. Oh, voyons, Étienne. Oh, viens voir comme elle est jolie, ta chambre. Oh, canaille. Où allez-vous? On va téléphoner. Eh ben, on le dit. Nous n'avons jamais la communication. Par ici, par ici. Qu'est-ce que c'est? C'est des fleurs et des belles. Allez, les hommes, entrez là. Entrez. Mais les gars, quand vous avez hein. Allez, ici. Ne pas en bas. Nous nous sommes cognés contre la corbelle. Comment peut-on? Tiens, on sonne. Allez, posez ça là, hein. Mais la fiancée, où c'est qu'elle est donc? Dans sa chambre en train de téléphoner. Ah oui, quand elle est pauvre. Oh, bah celle-là par exemple. Qu'est-ce qu'il y a, c'est? Le prince de Palestrine. Oh, de rochefure, et tu le laisses dans l'antichambre? Non, il monte. Allez, mais rangez-vous. Allez, derrière les arbres. Derrière les arbres. Circulez. Allez, fais rentrer la musique. Allez. mademoiselle Davron. Très heureux, je vous complimente, messieurs le commandeur. Ah, oh, si. Mais que vois-je, vous alliez vous coucher, peut-être? Non, non, chère, c'est pour vous. Oh, mais je n'en ai que faire. Ah? Et votre délicieuse fille n'est pas là? Elle va venir, sire, mais c'est si je puis la remplacer. Ah, non, non. Je vais la chercher, elle. Et où avec son milieu? D'Occupe-toi d'Amélie, la pièce de Feydeau que nous vous transmettons du Théâtre Marigny à Paris. Et voici maintenant le deuxième acte. Il se déroule dans la chambre de Marcel Courbois, le matin, le lendemain matin vraisemblablement, et au petit jour, du moins, au petit jour, étant donné les lumières, car la scène se passe vers midi. Marcel Courbois est encore couché, et la femme de chambre arrive pour son petit déjeuner. Et alors, après, eh bien, ma foi, Marcel Courbois ne se trouvera pas tout seul dans son lit, ils seront deux. Mais voici les trois coups, le rideau se lève. Et voici qu'une porte s'ouvre. Avec le soleil, apparaît la camériste qui vient réveiller M. Marcel Courbois, qui dort à poing fermé. Elle pose tout doucement son plateau et son petit déjeuner sur une table et elle intervient. Il est midi 35. Il est midi 35. Je m'en fous, hein. Ah bon? Oh ben moi aussi. Il s'est recouché, Marcel. Marcel s'est recouché, mais il sent quelque chose dans le lit. Ça ne va pas très bien. C'est très drôle, ça. Il y a vraiment... Il ouvre. Il... Oh, attention, Amélie. Je vous laisse entendre. Amélie. Amélie, mon petit, voyons. Amélie. Eh ben, réveille-toi, non. Amélie, voyons. Amélie. Bouge pas. C'est monsieur qui a sonné. Amélie. Écoutez-moi le temps, hein. C'est pour ça que monsieur a sonné. Allez, viens, fous-le à camp, mon Dieu! Oh, quel drôle de service! Amélie, mon petit, allez, viens! Amélie, quoi? Amélie, nom d'un chien! Le nom d'une brique, Amélie, allons, allons! Tiens, Marcel! Marcel, tiens, Marcel, oui, Marcel! Ah, ben ça, c'est à toi que je le demande! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi, dans mon lit? Ah, ben... Avec une chemise de nuit à moi? Comment je suis chez toi? C'est vrai, ça, mais comment ça se fait? Mais c'est ce que je te demande, créneau! Oh! Quoi? Oh! Est-ce qu'on aurait couché ensemble? Ah, ben ça m'en a tout l'air, oui! Et c'est pas une farce que tu m'as faite, t'es pas venu tout à l'heure, non? Mais non? Eh ben alors, y a pas. Alors, ça, on a bel et bien couché ensemble. Oh, ah. Ben oui! Ah, ouais, mais c'était tout montable, ça! Mais c'est un abus de confiance, moi je t'ai reçu en dépôt! Eh ben mon colon alors. Qu'est-ce que je dirais à Étienne quand tu me le demanderas? Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas à lui dire. Bah oui, je sais bien. Seulement ce sera un poids d'autant plus lourd pour ma conscience. Au moins on avoue en tout. Oh, tu ferais de la peine à Étienne alors. Ah oui. Oui, c'est bon, elle serait soulagée. Qui? Dans ma conscience. Oh, comment avons-nous pu faire ça alors? Ça c'est extraordinaire. Je sais pas, moi je me rappelle rien du tout alors. Étienne, mon meilleur ami. Et lui qui m'avait dit si affectueusement en partant, occupe-toi d'Amélie, je te la confie, parce qu'au moins avec toi je suis sûr d'elle. Oui, ouais. D'ailleurs ce qui est un peu mufle, hein. Ça prouve qu'il n'avait pas grande confiance en moi. Hein. Ah oh ben, et comme il avait raison. Ah, oh, là. Je te dis pas, c'était pas à lui de le justifier. Quoi? Ouais, ben, tiens, c'est bien fait pour lui, voilà tout. Ah, ouais, ouais, ça te justifie, toi, oui. Ah, ben, toi, peut-être, mais pas moi, non, là. Ah, non, mais et pourquoi es-tu mon meilleur ami? Parce qu'il serait pas mon meilleur ami. Alors, regarde comme ça serait simple. Moi, je serais plus qu'un monsieur qui a passé la nuit avec une dame, puis... Alors ça se voit tous les jours. D'autant plus qu'on l'aurait pas passé ensemble la nuit. Oh. Mais non, parce que n'étant pas le meilleur ami d'Étienne, il t'aurait pas dit « Occupe-toi d'Amélie ». Mais oui, mais au fond, c'est sa faute tout ça. Mais absolument. Ça va, est-ce qu'on confie sa maîtresse quand elle est jeune et jolie à un monsieur... Jeune et jolie? Oui, enfin pas mal, quoi. Mais bah quoi, c'est ce que je voulais dire, non? Et il aurait le droit de se plaindre? Ah, oh, dis alors, non, alors. Un homme qui te dit « Surveille là ». Ah non. Oh, c'est dégoûtant. Non, il faut être juste, quoi. Il m'a dit, occupe-toi d'Amélie, il m'a pas dit, surveille-la. Alors, mais t'as dit avec toi, moi je suis sûre d'elle, ça revient au même. Eh ben, je me vengerai, tiens. Oh, ça y est. Oh, dis donc. Oh, pisique. Non, mais, pour qui me prend-il? Tu fais une gueule de tuteur, moi. Prend-il pour un eunuque? Est-ce qu'il s'imagine que j'ai pas un tempérament tout aussi bien que lui, non? Est-ce qu'il a pas couché avec toi, lui, hein? Mais tout le temps. Et bon, alors. Eh ben alors. Ouais, tout de même, c'est dégoûtant. Non. On a beau se donner des bonnes raisons, tout ça n'excuse pas. C'est un homme qui m'a donné un témoignage absolu de confiance, qui m'a dit... Ouais. Mais comment avons-nous pu en arriver là sans même nous en rendre compte? Oh, tu sais, il y a de ces choses dans la vie. Hein, écoute, enfin, voyons, hier soir, tous les deux, qu'est-ce qu'on a fait? Hier soir, attends. Oui, hier soir. Attends. Mais d'abord, on a été à la foire de Montmartre avec les copains. Bibichon, on l'a pris là-bas. Ah, mais ça, tout ça, ça, c'est net dans ma mémoire. On a monté sur les cochons. Bah, comme tout foireman qui se respecte. On a soupé à l'abbaye Célère. Mmh. On a re-soupé au Ramor. Après quoi, tiens, on est allé boire du champagne au Pigalle. Oui, attends, après ça, ça devient plus vague. Hein. Je t'ai dit, ça va pas, je pourrais jamais monter mon escalier dans cet état-là. Oui, et moi, je t'ai répondu, passons chez moi, j'offre l'ammoniaque. L'ammoniaque? Oui, oh, parole imprudente. Mais t'as jamais pu le trouver, l'ammoniaque. Ah, jamais. Si tu l'as remplacé par du champagne. Tu n'as pas dû produire le même effet. Ah non, alors, parce qu'à partir de ce moment-là, alors, l'obscurité noire. Le néant. Le néant. Et alors, le reste. Le reste. Quel reste? Comment quel reste, Barbara? Le reste, enfin, quoi? Là, voyons, c'est mis tous les deux. Est-ce qu'on en a ou est-ce qu'on n'a pas? Ensemble? Oui. Oh, ça! Comment? Oh, ça! Enfin, voyons, quoi, tu te rappelles pas? Rien du tout. Oh, bah, ça, c'est trop fort! Ça et toi? Ça, moi non plus. Ah oui, seulement, c'est que tout est là! Avoir ou n'avoir pas, comme dit Shakespeare! Tu crois? Parbleu, il est évident que tous les deux, si on a été frères et sœurs, bon, voilà la tendance. C'est Dieu seul le sait. Ah ouais, puis je le connais, il ne nous le dira pas. Oh, écoute, enfin, avant tout, l'essentiel, c'est qu'Étienne fasse comme nous, qu'il ignore. Ouais, hein, ça, alors, c'est ça, pas nous qui allons lui dire. Par conséquent, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Non, mais voilà, il n'y a rien de fait. Oh là là, ce pauvre Étienne. Hein. Ouais, c'est drôle, on se met Martel en tête et il n'y a rien de fait. Et puis Dieu. Tu vas pleurer maintenant, hein. Allez, où? Oh, déjà, allez. Oh, bah oui, alors, déjà, bah, je te crois, déjà. Je vais aller porter tes vêtements par là, puis... Tu iras t'habiller dans le cabinet de toilette. Ouais. Hein. Bah, allez, où? Allez, grouille, allez. Grouille. Bah, oui, grouille. Où es-tu mis ta robe, tu veux le dire? Hein? Où elle est, ta robe? Je sais, moi. Allez, debout. Tu vas t'embêter. Oh. Couché avec mes bottines. Oh, c'est drôle. Oh, que c'est drôle. Ah, mais ris pas, voyons, ris pas. Oh, je n'ai pas envie de me tuer épaté. Oh, tu en suis fermé, je te jure. Ah non, tu n'es pas bien de me dire où tu as mis ta robe. J'en sais rien, moi. Quelle est cette robe, encore? J'en sais rien, moi. Ah ben, Eh tiens, là déjà ton chapeau. Et le masque d'hier qui est resté accroché après. Ouais. Oh, ta robe. Sur la table. Oh, sur la table. Alors, tu trouves qu'une table, c'est un endroit pour mettre une robe, toi, non? Tu sais, je te jure. Oh, mon chapeau, dis donc. Je te demande pardon, excuse-moi. Ça, t'as de l'ordre. Pour avoir de l'ordre, on peut dire que toi, t'as de l'ordre. Hein, c'est le cas de le dire. Qui suis-je que ça? Oh, dis donc, la boîte d'allumettes fait d'artifice. Ça, quel fourmi, hein. Allez, rouste, grouille, allez. Allez, dépêche-toi. Mais dépêche-toi, voyons, alors. Grouille. Oh, ça va être bonne nuit. Oh, j'ai pas du tout envie de grouiller. Oh, un peu de courage, va. Oh. Amélie s'est enfin levée. Elle est plutôt pâteuse. Elle a une chemise d'homme par-dessus sa chemise à elle. Alors on voit ses grands bas noirs, ses bottines, et elle cherche je ne sais pas quoi par terre. Voilà la soubrette. C'est Madeleine. C'est Monsieur Courbois que Madame attend. Oui, précisément. Je ne sais pas si Monsieur est visible. Je vais m'en assurer. Mais non, ne le dérangez pas, non. J'en passerai. C'est encore vous. Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer? Ah, c'est madame qui... Madame... Qui demandait si monsieur était visible. Voulez-vous me foutre le camp? C'est pas une raison pour entrer ici comme dans un café, non? C'est le concierge qui vient d'apporter le courrier. Donnez-moi ça. Là, le papier à lettre et la feuille de ficelle qu'on m'a dit d'acheter hier. Vous pouvez pas poser ça sur la table de nuit, non? Là, vous voyez pas que j'ai les mains embarrassées? Oui, monsieur. Et puis emporter la bouteille de champagne. Oui, monsieur. Espèce d'oie. Oui, monsieur. Espèce d'oie. Je crois qu'elle m'a vu, hein. Oh, ça, c'est malin, là. Et je t'avais la planquer à la porte, là. Ça, tu vas voir. Pourquoi? Ça lui apprendra, là, à t'avoir vu. C'est dommage, elle est gentille, ta soubrette. Oh, si tu t'imagines que je l'ai regardée, moi, là. Comment elle s'appelle? J'en sais rien, je vais pas demander. Oh, quand t'as une bonne, tu sais pas comment elle s'appelle? Et donc, elle s'est présentée hier matin, je dormais encore, je l'ai engagée dans l'obscurité, c'est la première fois que je la vois, alors. Oh, bon. Allez, t'es frusque son parrain, va t'habiller, allez, rouste, ouais. allez, grouille. T'as raison, hein. Oh! Quoi? Mais c'est idiot, je peux pas la mettre, ma robe. Pourquoi? Mais parce que, c'est une robe du soir, décolletée, toute pailletée. Tu ne vas pas rentrer à midi dans cette tenue, voyons. Ben, tu prendras le métro. Oh, t'es stupide, voyons. Ce serait pour le concierge, voyons. C'est moi-même. C'est une dignité, même. Non, je vais écrire un mot à papa qui vient de me prendre et qui m'apporte un costume tailleur. Costume tailleur? Tu dois apporter la lettre, pas ta bonne. Mais, Qui m'a vu, pas, il y a plus à se cacher, hein. Alors, comme tu voudras, si tu fais un temps, je te dis, alors tu fais un de ces gens, ok. Dis, qu'est-ce que tu veux, demande-moi. Qu'est-ce que tu veux, en l'argent, quoi? Du papier. Bah, c'est pas une raison pour tout casser, non? Jure, alors, non? Du papier. Donc, voilà. Allez, hé. Hey, grouille. Mais dis donc, voilà une décroissance. C'est toi qui... Ah, je te demande pardon. Ah, je te demande pardon. Tout à l'heure, t'es dit grouille, comme ça. T'as dit grouille. Grouille. Ouais, grouille, je me comprends. On rattrape, hein. Barci. Barci, Charles. Ah, là. Petit père... Je suis rue Cambon, chez Courbois, qui m'a logé cette nuit. Viens me prendre et apporte-moi un coffre. Tu me tailleur, je t'embrasse, Amélie. Y a pas d'âge. Hein? Non, je dis, y a pas d'âge à ta gueule. Ah? Si ça fait rien, hein, c'est pour papa, alors. Si j'en faisais, c'est pour ta gueule, moi, tu sais. Hein. L'adresse? Monsieur Pochet, rue de Rive. Mon chien. Mon parrain. Mon parrain qui rapplique à Paris. Quoi, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Je le croyais si bien parti, ils vont plus revenir. Ils vont rentrer là-bas sur le dos. Bah, tiens, je laisse la lettre. Écoute ceci, ce que. Oui, oui, parce qu'il est, il est dans vert. Écoute ceci, ce que. Je... Non, oui, il habite la Hollande. Oui, oui, mais il est dans vert. Écoute ceci, ce que, c'est moi que je te fais la surprise. Je suis à Paris depuis ce matin, j'espère que je saurai te voir cet après-midi. Ton parrain qui t'aime. Ça va, ça va, joli la surprise. Tu parles. Post-scriptum. Hein? Nous te faut dîner. Quoi? Nous te. Hein? Si tu lis là. Nous te faut. Nous te faut. Nous te faut dîner ce soir avec ta fiancée et son père aussi d'avant. Ah, ça va bien alors. Oh. Alors nous te faut dîner avec lui ce soir. Ah non, ce soir je peux pas. Ah bon, tiens, y a pas. Ah ça y a pas. Nous te faut là, ça. Je suis pas libre, je dis avec. Ah, ça m'est égal, décommande-toi, nous tapons. Oh, bah, tu prends pour celui-là, je te jure, là. Moi, c'est comment, comme ça, tout s'embarque. Ah, oui, bah, écoute. J'ai entendu, j'ai décommandé. Enfin, mon petit. Nous tapons. Bien fait, ici, celui-là, alors, c'est vrai. Oh, il est si bien parti pour l'Amérique. Bah, peut-être pour ça. Pour ça, quoi? Bah, s'il part pour l'Amérique, il doit s'embarquer au Havre. Ça y est, alors. Là, et puis la tirette, il passe par Paris. Oh, ça, le chien est en dents. Ça y est. Eh ben, ça y est. Ça y est. Eh ben, on le dit. Je le dis. Quoi? Oh, c'est de la tête, là. Oui, là. De la tête. Là. Allez, attends, hein, c'est pas sec. Eh ben, souffle. On va pas aller. Oh, on peut tout de même, oui. Quoi? Bien que monsieur est tenu, on peut tout de même entrer. Mais est-ce que vous vous payez ma tête? Ben non, monsieur. Espèce d'oie! Oui, monsieur. Tenez. Madame a une commission à vous donner. Oui, ma fille. Tenez, ma fille. Allez-vous porter cette lettre de Rivoli, s'il vous plaît, ça continue. Oui, madame. Attendez. Cette autre, là, l'hôtel Continental, c'est pas loin. Oh. Bah alors, c'est pas une commission. Comment c'est pas une commission? Bah, c'est deux commissions. Oh, dites donc. Oui. Voulez-vous me foutre la corde? Ah oui, monsieur. Voulez-vous me foutre la corde? Oui, monsieur. Espèce-toi. Voulez-vous me retourner? Espèce-toi. T'en as pas idée, ma chère, d'abord. Ah, non, bougez, hein. Ah, tiens, je m'as pas trop poussé, hein. Oh, pardon, n'attendons pas papa. Bien, pardon, n'attendons pas papa. Allez, debout. Chut. Vous savez. Oui. Mais qu'est-ce qui vient nous embêter? Je vais m'en aider, madame. Monsieur, mon chien. Quoi? Yvette. Quoi? C'est ma maîtresse. Oh, c'est madame. Mais toi, viens. Non, je ne sais pas. Non, mais sous le lit, tiens. Non, tu m'as l'air. Tu m'as l'air. Dépêche-toi, tiens. Quoi? Alors, regarde. Mais tu vas te dépêcher, oui. Oh, ça va. Tu vas te casser sous le lit, alors. Non, alors. Reste là, hein. Amélie est au lit, on la voit à peine. Il y a le couvre-pied qui pend sur les côtés. Et voici Irène. Oh, est-ce là? Mon cœur ne te le dit pas. Oh, Irène! Oh, mon cœur me dit à qui? Oh, mon chéri, où es-tu? Il est là. Oh! J'ai le doigt dans l'œil! Non. Dans la bouche. Oh, mais moi aussi. Oh, tu t'en prends pas à j'y perds bien plus que toi. Oh, mon horreur. Elle a une opportunité, non, mais... Amélie sous le lit donne des coups de pied par un tour de force à Martel. Regarde! Et hop là, tout le monde est par terre. C'est une flotte baptisselle, la ramassera plus tard. Allons, voyons. Oui, oui, oui, oui. C'est dommage, on aurait reçu une visite. Je tiens. Oh, la bonne heure, on se voit à présent. Oh, tu trouves, toi. Non, seulement je viens de me réveiller, toi, alors. C'est moi qui t'ai réveillé, je suis désolée. Ah, pas du tout, non. Et d'ailleurs, il est tard, hein. Il est temps que je me lève, ça te comprends. Comment, tu dis ça? Rien du tout, tu parles de te lever quand j'arrive. Quand je suis là, tout heureux, tout frémissant. Bah, mon colon, alors. Du tout, du tout. Tu étais en train de dormir, eh bien, nous allons dormir tous les deux. Oh. Il faut voir Amélie pendant cette scène qui est sous le lit et qui regarde le public. Les commentaires qu'elle fait pendant qu'Irène et Marcel s'embrassent, c'est vraiment impayable. Parce que c'est gênant de sentir un tiers sous soi dans ces moments-là. Là. Et maintenant, sois heureux, j'ai toute ma journée à toi. Ah, il va falloir que je reste toute la journée là-dessous, moi. Bah non, alors. Toute la journée. T'as pas l'air ravi. Oh là là, oh bah alors. Oh non, vraiment, écoute quand je suis là près de toi. Oh, t'as raison. Justement, j'ai un bain à prendre. Viens avec moi dans la salle de bain. Oh, mais non, quelle idée! Tu veux pas venir avec moi dans la salle de bain? Mais non! Oh, ce serait si bien si elle allait dans la salle de bain. Oh, aller dans la salle de bain quand on a une bonne chambre, oh non, merci. Ça ne te va pas. Maman, tu as l'air de faire une tête. Oh là là, oh. Est-ce que par hasard, depuis que tu fréquentes cette mademoiselle Amélie d'Avranches... Non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Je suis une bonne personne, j'ai bien voulu me prêter pour ton parrain. Tu me métissais peut-être à jouer comme ça, au fiancé, à la fiancée. Il a bien pu arriver que... Hein? Mais c'est que ça ne m'irait pas du tout. C'est qui? Moi, avec Amélie d'Avranches? Ah, tu m'as pas regardé. J'espère bien. D'ailleurs, ce n'est pas une femme pour toi, cette petite. Évidemment, elle a une frimousse. Ah oui, elle a une frimousse. Bien gentil. Non. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, c'est le matelas qui dégouline. Non, rien, j'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette Amélie? Une ancienne femme de chambre, un torchon. Oh, bah, au traînon, alors. Du vulgaire. Sans race. Oh non, je t'ai plus, la cour est pleine. C'est comme sa main, t'as pas vu ses mains? Oh, mes mains, qu'est-ce que sont mes mains? Qu'est-ce que sont? C'est une brave fille, mais pas soignée. Oh, elle commence à m'embêter, madame, hein. Elles sont d'huile avec de la vanille. Oh. Tu ne restes pas là-dessus pour entendre ça, moi? Ben non, alors. Nous voici, mon chéri, la vraie femme qu'il te faut, c'est moi. Ah, ces femmes du monde, hein. Ça vous trotte de haut en bas. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, là? Il y a des moments où je préfère le... La pelote de ficelle, attends un peu. Amélie tire la courte pointe tout doucement. Elle tombe sur elle. Voilà. Alors, maintenant, il va y avoir la grande farce de cet acte. La courte pointe va s'en aller tout doucement vers la salle de bain. Et alors, madame va avoir peur et tout va se dénouer. Voilà, attendez, vous allez entendre rire la salle. La salle... Oh, un cri. La courte pointe s'en va. La courte pointe s'en va. Irène est montée sur le lit. Marcel n'est pas tellement rassuré. Lui aussi, il a peur. La salle est en deux, je vous laisse écouter. Sur un couvre-pied qui marche. Mais ça se voit tous les jours. Il faut plus de ça, mon petit bonhomme. Et voici la contrepointe qui revient vers le lit. Alors là, ça se gâte parce que c'est vraiment tragique. C'est même un petit saut. Voilà encore. Irène est réfugiée vers la hyper machiné. Martel s'approche, mais il a tout au cœur. Je vous laisse entendre. Marcel, sans garde ! Là, tu vois. Là, tu vois, petit feu. Un homme ne refuse pas même devant un coup à pied. Ah non ! Petit, ça finit par nous gagner, moi non ! Et voilà, Amélie avec les allumettes chimiques, les allumettes feux d'artifice. Alors du coup, madame s'en va, elle a peur. Et quant à Marcel, il est réfugié dans la salle de bain. C'est toi qui nous dis des venettes pareilles. Non. Ah, on a bien ri, hein. Ah, ouais, on a bien ri. Voilà. Ça pour rire, on a ri. Ah, plein de là, hein. Et sauver la partie avec madame, quoi. Oh, dis donc, voilà. Elle est pas moi, hein. Elle est pas encore là, hein. Ah, t'es fait vous t'embêter, hein. Oh, c'est pas bon, t'as les filles comme ça, mais là, qu'est-ce que j'aurai, mais là, voyons, quoi, non. Quand j'ai vu le couvre-pied filer tout seul, ça, j'ai bien pensé que t'étais sous. Et quand je l'ai vu revenir, là. Ah, t'as eu la couille, hein. Ah oui, attends, mais non. Oh, mais non, seulement je savais plus où j'en étais, moi. Mais comment dire, là, tu fais ça? Oh, c'est une malade, ça. Madame m'a vendu la ficelle. Ouais. Alors moi, avec une épingle, j'ai retiré le couvre-pied à la ficelle. J'ai entouré autour du pied du lit, et une fois dans le cabinet de toilette, aïe donc, j'ai plus qu'à tirer pour que le couvre-pied prenne sa place. Oh, ce que c'est belle. Ah, oh, ça veut dire que je te dise, alors ça, c'est enfantin. Or, qu'est-ce que tu veux, hein? Oh non. C'est l'œuf de pigeon, quoi. Quel œuf de pigeon? Je sais pas, moi. C'est toi qui as dit ça l'autre jour. Qui, moi? Oui, je sais pas, enfin, qu'il fallait le trouver, je sais pas quoi. Oh! Ah, l'œuf de colon, tu veux dire. Ah, l'œuf de pigeon. Tu sais, hein, colombe, pigeon, c'est toujours le même animal. Oui. Ah, ça, c'est le même animal, oui, évidemment. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis une inventive, moi, alors. Grande gosse, ouais. Dis, non, tu vas pas te bouger, hein. Allez, d'abord. On a sonné. Allez, laissez. Oh, le parrain. Le parrain. C'est plus que c'est plus de la boue. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais cache-toi, mon fils. Oh, bah, où ça? Pas sous le lit, voyons. Oh, dis donc, je suis en train. Veux-tu te cacher sous le lit? Ah, non. On tâche. Voilà le parrain, mais cette fois-ci, Amélie n'est pas cachée sous le lit. Elle est bel et bien dans le lit. C'est quoi? On ne fait pas! Mademoiselle Amélie d'Orange! Je cassais. Oh, c'est vous! Comment ça va? Et dans le lit, ensemble! Oh, si on peut dire! Ouais. Quoi? Ça va bien? Ah, pas pour moi, hein? C'est vous aussi, mon parrain, je vois, ça. Oh, d'accord. Tu n'as pas encore marié, ta femme, tu profites des assurances. Hein? Quoi? Oh, non, mais ça n'est pas plus que ce que vous croyez, là. Non, mais c'est... Oh, oh, non, mais de ce que non, ça, c'est votre affaire, n'est-ce pas? Oui, non, ça, c'est bien, mais c'est pas... C'est comme tu dirais une avance sur titre, hein? Tu touches avant, ça te regarde. Et le papa, alors, monsieur Lavranche, qu'est-ce qu'il dit de sa douce? Oh non, ça, non, il ne sait pas. Mais alors ça, faut pas le lui dire, hein. Et ni à personne. Surtout à personne. Oh là, qu'est-ce que tu penses, donc, ce que ça m'a menti, oui, ce jour-là? Oui, je sais bien, on était là, monsieur. On lisait. Oui, je m'en doute. Tout de même, je vous demande pardon d'être entré que nous assistions dans le lit. Mais je ne savais pas, n'est-ce pas? Oui. Je voulais seulement te faire la surprise de mon retour. Ah, ben ça le fait. Oui, je l'ai dit. Vraiment, en souvenir de son père et de l'amitié que j'ai pour lui, je ne sais pas laisser faire le mariage et que je n'y sois pas. Hein. Alors, je me suis arrangé. J'envoie mon fondé de pouvoir qui me remplace en Amérique et je vais le rejoindre après la noce. Tu sais, fils? Ce brumeau en présent? C'est quoi? Ce brumeau, tu es bête? Non, je dis après la... fait la noce. Oui, mmh. Ça, je peux te le mettre de la main à la main, ta fortune dont je suis dépositaire. Mmh. Alors voilà une surprise. Oui. Hein? Prétexte pour une surprise. Oui, ça, c'est une surprise. Oui, ça te plaît, ça? Ah, je suis radieux, ça. Oui, c'est vrai, ça te faut dire, ça. Qu'est-ce que tu peux avoir à l'égubre? Oh, oui, ça dépend des natures. Ça. Ouais, je sais, j'en ai eu un comme ça dans le temps. Quand il était joyeux, ça était triste. Il gémissait. Eh ben là, vous voyez, là, ça c'est pas... Et il me le chien, qui... Mon bulldog. Si vous aviez vu la gueule qu'il avait... Ah, ça c'était une bonne dent. Allons. Eh, c'est pas tout ça, puisque je m'en vante. Ta fiancée doit s'habiller, hein? Et moi, je gêne. Oh. Ah, parce que vous partez déjà, vous... Ah, en attendant, je vais savoir faire une course ou deux. Ah, et je reviens dans la demi-heure pour reprendre tous les deux, hein? Ben voilà. On fera la promenade jusqu'au dîner, hein? Oh, alors là, vraiment, vous nous gâtez. Alors là, c'est pour moi un plaisir, hein? Et alors, on prévient le papa qui dîne avec nous, hein? Allez, à tout à l'heure. Ne vous dérangez pas. Si, bon, allez. Ben nous sommes propres. Mais mon Dieu, comment vas-tu sortir de là? La combinaison est dans l'eau, là, c'est la catastrophe. Il s'agit pas de se démonter. Mais qu'est-ce que tu veux? Il veut assister au mariage. Je peux pas lui donner, moi, le mariage. C'est au-dessus de mes moyens, ça. Papa! Voilà le papa! Mon papa, vous, il monte l'escalier. Vite, cachez-vous. Pourquoi faire? Mais s'il voit comme ça, il va se douter. Oh, c'est vrai! Cachez-vous! Oh, le papa! Oh, il est pas désolé! Oh, le papa! Ah, enfin, je vous trouve, ma fille. Ma fille est ici, Amélie. Non, monsieur, non. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Non. J'ai visité tout l'appartement. Elle n'est pas là. Ben où est-elle? Ah, ça ne sait pas dire. Le Marcel est assez grand homme, tu sais. Il n'oublie pas qu'une fille est une fille. Pas n'importe pourquoi il vous parle. Ah, bah alors ça, vous voyez, mes parents, je crois que maintenant c'est le moment de... Prends garde, tu sais, le vieux, il a flairé le vent, si je te laisse. Mais non, ne vous inquiétez pas. Au moins, je vais la faire filer, que son père ne la voit pas. Mais je réponds tout. Au moins, ça sera un peu de son menti, hein. Soyez tranquille. Ah, mais alors, à tout à l'heure, hein. Monsieur Davant, on dîne ensemble ce soir, hein. Ah. Oui, c'est convenu avec Marcel et votre fille. Comment vous l'avez vu? Hein? Non. Mais je suppose probable, hein, puisque le fiancé dîne donc la fiancée doit... C'est l'envecture. Vous demandez, moi, ça, plus sûr. C'est ça, c'est ça. On peut parler, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est revenu, maintenant. Ben, il me retombe sur le dos. C'est pas longtemps. Jusqu'au mariage. Il vient pour y assister. Ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je fais, moi, c'est embêtant. C'est embêtant. Ah, c'est embêtant. Je vous crois, c'est... Pas une situation, ça va venir un moment. Et à trop durer, ça finirait par compromettre à mille. Pourquoi? Alors, si on croit vraiment qu'elle est fiancée, c'est une poêle. Oh! Vous n'êtes pas votre petite? Non. C'est comme je vous le dis, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ah, mais non. Ça, je comprends que vous ne soyez pas très content. Il faut parler. Ah, mais je vous jure qu'elle est... Pas... Oh, tiens, la voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle se cachait là. Alors, qu'est-ce que vous me disiez, vous? Ça, c'était pas moi, c'était le parrain. Ah, ouais, ben le parrain. Quoi, mais comment t'es là, toi? Ben, je t'ai écrit. Ah, non. Oh, alors tu m'apportes pas un tailleur? Je vais t'apporter un tailleur. Mais t'as un costume tailleur, quoi, tu vois bien, je suis. Oui, je vois. Mais je n'ai rien reçu, on a dû porter le trombone comme j'étais déjà sorti pour venir. Et ben alors, qu'est-ce que tu viens faire? Et vous prévenir, moi, pour le cas où il a boulerait ici. Mais qui? Ben, Étienne. Non, Étienne. Étienne est là. Comment? Il a fini ses 28 jours? Oui. Oui, son régiment a licencié. En 15 jours, ça va. Il y a une épidémie de rayons. Non, ton chien, il a débarqué à la maison. Oh, qu'est-ce que tu lui as dit, alors? Je lui ai dit n'importe quoi, j'ai dit que tu étais sorti de bonne heure. Ben, c'est bien, ça. Là, il fallait bien sauver la face. Ah, c'est chic de me mettre dans des situations pareilles. Obliger ton père à mentir. Oui, oh, bah, elle, hein. Moi, un ancien assermenté. Tu sais, hein, une fois n'est pas coutume. Je suis pas content, tu es pas sérieux, on est couché maintenant. T'as pas ta raison, j'ai pensé la nuit suite, tu sais, hein. Oui, c'est très bien, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Je vous dis rien. Tu reconnaîtras que je ne me mêle jamais de tes affaires. Il y a des choses dans la vie où un père qui se respecte doit garder ses distances. Ils n'ont jamais voulu être pour toi ni un juge ni un ascenseur. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je tiens à te dire ceci, c'est que moi qui suis un homme, jamais, tu entends, de toute ma carrière, en dehors des jours où j'étais de nuit, jamais je l'ai couché. Hein? Jamais. Encore une fois, je vous dis rien, moi. Que ton père te serve d'exemple. Quand je défaillais, moi, c'était l'après-midi. T'as raison, c'est plus convenable. Ah. Comment vas-tu sais, c'est pas entièrement de notre faute, hein. Ah, cette nuit, qu'est-ce que tu vois, on a tellement fait la bombe. La note. Hein. Oh, on c'est était... C'est-à-dire que si on n'a pas la gueule de voir... Non, hein, ça c'est un miracle. Hein. Je ne doute pas qu'il ait d'excellentes raisons, mais tout de même, c'est pas des choses qu'on peut expliquer au concierge. Oui, évidemment. La jeunesse est légère. Qu'est-ce qu'il crie comme ça dans mon antichambre? Qu'est-ce que c'est? Oh, sacrifie! Sacrifie le prince, ici, chez moi! Le prince! Le prince du palais! Le bougeoir, le bougeoir, tiens! Oh, qu'il y a du monde! Ah, monsieur le père, oui! Encore avec une bougie? Excusez-moi si j'ai pas eu le temps d'allumer. Mais qu'est-ce que vous faites donc toujours avec une bougie? C'est donc une manie, un tic, dites-moi à quoi? Mais non, si... Et d'abord, je vous prie, je suis pas sire. Je suis Monseigneur, Altesse. Donc votre sire et votre bougie, vous pouvez laisser ça ensemble. Pour que ça fonde. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot, là. Les porphyriens et Altesse. La cire, la bougie, ben ça... ça fond. C'est idiot. Et je vous ai décoré. À mon heure, oui, Altesse, j'ai même reçu le diplôme. Oui, enfin, c'est au titre étranger. Croyez bien, monseigneur. Oui, assez, merci. Non, mais qu'est-ce qu'il vient faire chez moi, celui-là? Et quoi, je ne vois pas mademoiselle d'avant. Et Amélie. Elle se cache, la chère enfant. Mademoiselle d'avant, je vous en prie. Pardon. Elle s'habille. Oui, je demande pardon, parce que je suis en chemise. Très bien, je vois, vous m'attendiez. C'est un trésor, cette petite, je comprends qu'une tête couronnée. Oui, bien, comprenez, mais en silence. Monseigneur? Oui? Vous m'avez écrit de venir, je suis venu. Moi? Le général me suit avec les costumes tailleux. Hein? Je lui ai dit de prendre un choix n'ayant pas le mesure. Oh, ben monseigneur, je ne vous ai jamais écrit ça. Mais comment donc? Mais tenez, vous allez voir, cher petit cœur. Oh, ben... Quoi? Voyons ça. Petit père! On va quoi vous en mettriez, que... Mais pourquoi? C'est drôle, j'aime ça. Je suis rue Cambon chez Courbois qui m'a logé cette nuit. Courbois, quel drôle de nom. Ah oui, ah oui. Monsieur, oui, c'est là. Hé, monseigneur. Encore le bougie? Oui, c'est Marcel Courbois. Courbois. Ah, c'est vous le logeur. Hein? Eh bien, c'est très bien, merci. Non, comment le logeur? Dites donc, hein, allons. Pas de rouspétance. Ah, où en étais-je? Oui. Viens me prendre et apporte-moi un costume tailleux. Mais monseigneur, c'est pas à vous que j'écrivais ça. Mais comment? C'est à papa. Mais quoi? Oh, ben, je sais pas, je me suis trompé d'enveloppe. Eh bien, c'est moi qui recevrai la lettre que tu écrivais à son altesse. Ah, mademoiselle expliquera tout aussi bien. Je ne vous aurais pas appelé petit père. Non, mais je n'aurais pas tutoyé votre altesse. Pardon. De quoi vous mêlez-vous, le logeur? Oh, zut! Assurément, voyons. On n'adresse pas la parole à un prince royal avant qu'il vous parle. Pas vrai? Eh bien, puisque vous le savez. Oui, mais c'est pour ça que je lui dis. Faites-le! Ah bon. Pourquoi? C'est charmant de m'appeler petit père. C'est tendre, c'est affectueux, c'est cela. C'est charmant de me tutoyer. Moi, que j'ai ton horreur de l'étiquette, du corps. Ah, tu vois. Oui. Je suis un bon garçon, la bonne franquette, comme vous dites. J'ai Marie. Ça ne perdait pas. Je suis très parfait, vous verrez. À la cour de Palestri, je suis connu. Je vous comprends. Dernièrement, vous connaissez les gros pasticots? Non, nous ne connaissons pas. Je demande ça à mademoiselle. Elle ne le connaît pas. On n'adresse pas la parole à la prince royale, avant qu'il vous parle. Pasticot, c'est un chambellan de la cour. Eh bien, l'autre soir, après le dîner, nous l'avons employé avec quatre de mes officiers par les jambes et par les bras. Et nous l'avons plongé dans une baignoire d'eau glacée. Ah, tiens. Il était furieux, mais il nous a rien dit. Il était furieux. Nous avons ri. Nous avons ri. Et il est mort d'une congestion. Non. Oh, que c'est drôle. Écoutez le père, je vous fais grand officier. Mais par Dieu le père, foutez-nous la paix. Ah, le sonnet, ce doit être général. Voyez donc, logeur. Oh non, ça y est, il me prend pour son larbin maintenant. Non. Et entre donc, général. Haltez. Oh, charmant, charmant. Alors quoi, tu as apporté le costume tailleur? Voilà tout ce que j'ai pu trouver, monseigneur. Mettez-la, subalterne. Bien, monsieur. On m'a donné plusieurs conditions, comme ils disent. Allez, l'employé vous fera reprendre. Je vous prie. Au revoir, monsieur dame. Et tenez, et si vous voulez boire? Mais avec plaisir. Oh, trois quartiers, est-ce que c'est bien? Bah, c'est pas là où je m'habille, mais enfin. Si vous voulez essayer celui qui vous va. Merci, monseigneur, vous pouvez apporter ça dans le cabinet de toilette. La peau. Ah, ah, ah. Oh, couche nadie. Oh, monseigneur, oh, je laissez, madame, il est fait pour ça. Un général doit servir à quelque chose. Ah, alors en ce cas, général. Très bien. Bon, alors là, il y a un jeu de tiens très amusant. Le général essaye de passer par la porte avec le carton en travers, il peut pas. Et alors, c'est le père qui lui indique comment il faut faire. Et voilà quoi. Moi, ça, non. Ça m'a rien, moi, dans tout ça, je regarde parce que moi, vous savez, je... Évidemment. Et même si votre Altesse le permet, je vais aller m'habiller. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non seulement comme votre Altesse me demande, n'est-ce pas? Alors je... C'est drôle. Je connais votre figure. Ah vraiment, monseigneur, c'est... Où donc? C'est désagréable, ça. Vous ai-je vu? Vous n'avez pas à servir. C'est dans l'infanterie, à Cochelle. Pardon. À Monte Carlo, hôtel de Paris? Ah non. Non. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas vous? Ah non, non. Ah, je confonds, alors. Il y a un sommelier qui vous ressemble. Ah, ben ça, je suis très flatté, monseigneur, mais ça, non, c'est un autre. Alors. Et alors, c'est votre logement, ça? Ben, mon Dieu, monseigneur, oui. Oui, il est laid. Ah? Oui. Non, mais est-ce qu'il est venu ici pour chiner, celui-là? Non, mais là... Très laid. Oui, ben, écoutez, monseigneur, je ne vous dis pas, n'est-ce pas, mais... étant donné ce que je le loue, hein... et qu'est-ce que... Monseigneur? Qu'est-ce que... C'est, mon Dieu, c'est que je ne... C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que vous louez, ça? Ça? Ah, qu'est-ce que je loue, ça? Eh oui, 1800 francs. Par jour? Par jour. Ça, oh non, pas par jour, par mois. À la bonne heure. Non, n'est-ce pas? Et je dis même par an. Par an, oui, 1800 francs par an. Alors, pas pour 1800 francs par an. Et qu'est-ce que ça fait par jour? Qu'est-ce que ça fait par jour? Oui. Ah, oh, il était curieux, celui-là. Eh ben, ah, mais bien, c'est tout un calcul à faire. Eh ben, faites-le, mon ami. Faites-le. Évidemment, c'est une solution, ça, s'il vous plaît. On n'a pas idée d'être curieux comme ça. 1800 francs par an, qu'est-ce que ça fait par jour? Si je m'attendais à faire des mathématiques aujourd'hui, moi, là, bien que ce soit pour une altesse royale, 1800 francs par an, qu'est-ce que ça fait par jour? C'est, voyons, c'est très simple. Étant donné qu'il y a 12 mois dans l'année, si c'était 100 francs par mois, d'accord? Alors, si c'était 100 francs par mois... Allez, ça, prenez votre temps. Je vous en prie, je vous en prie, hein. Alors, si c'était 100 francs par mois, ça ferait 100 multiplié par 12, égale 1200, ça devrait être un bon. Alors, j'ai déjà 1200 francs, je les mets de côté. Parfait, bon. De 12, aller à 18. De 12, aller à 18, reste... 8. Non, 6. Quoi? 12, 18. Eh ben... Ah oui. 6. Non, écoutez, monseigneur, je tiens pas à faire le calcul. Mais si vous me le demandez, ne vous en mêlez pas parce que nous n'en sortirons jamais. Allez, mon ami, ne vous troublez pas. Ben, c'est pas moi qui me trouble. Bon, alors, reste donc 600. Bien. 600 par 12, ça fait... 612. Ça m'enfort notre père, monseigneur. Allez, mon ami, ne vous troublez pas. Bon, oh. Non, mais c'est 600, et la moitié de 1200. Et que 1200 sont 100 francs, 600 francs dans moitié moins, soit 50 francs, ça c'est logique. Eh ben, ça va. Alors, avec les 100 francs que j'ai là dans ma poche, plus les 50 francs que voilà dans ma main, ben, non, mais ça y est, monseigneur, ça fait 150 francs. 150 francs. Ouf. Ah, dis donc. 150 francs. 150 francs. Par jour. Par jour. Ah non. Non, par mois. Oh. Et qu'est-ce que ça fait par jour? Ça fait par jour. Non, parce que vous dites non. Évidemment, je moque moi par moi. Ah oui, attendez que par jour. Évidemment. Oui, évidemment, il est mieux ça par jour. Ça, c'est une question de goût. Une phrase avec une conception, quoi, ça. 150 francs par mois, qu'est-ce que ça fait par jour? Oui, bah ça, c'est très simple. Est-ce que t'as donné qu'il y a 30 jours dans le mois, ça fait 150 divisé par 100. Oui. Ah, bah, merci. Ça, merci bien, là. Ça, en 15, combien de fois 30? Il y va deux fois. Bon, je pose deux et je retiens 30. Lorsque c'est difficile d'entendre pas entraîner, ça c'est terrible. Deux fois 30, soit 2 fois 30, 60. 2 fois 30, 60, 62, 15. Et ben ça y est. Ah bon, ça fait malheur. Alors ça, je suis obligé de tout effacer, de recommencer maintenant. Enfin quoi, vous n'avez pas encore coupé. Mais j'allais là, et puis vous me coupez. Allons, voyons. C'était beau. Je retrouve le fil. Quel fil? Neuf. Zéro. Zéro. Ça y est, je trouve 25 000 francs. 25 000 francs par jour. Là, doit y avoir une erreur. Sûr. Ah non, dire qu'il y a des gens qui sont payés 150 francs par mois, 100 sous par jour, et qui sont dans... 150 francs par mois. Mais monseigneur, mais ça y est, mais je l'ai. 150 francs par mois, 100 sous par jour. Ça fait 5 francs. 5 francs par jour. Ah, comme on arrive mieux à un résultat quand on prend cette fois par le calcul. 5 francs par jour. 5 francs par jour. Vous louez ça à 5 francs par jour. Je loue ça à 5 francs par jour. Évidemment. Pour 5 francs, on ne peut pas avoir le palais des doges. Ah ben non. Et puis qu'est-ce que j'en ferai, moi, du palais des doges? 5 francs, c'est bien. Très, très, très bien. Oui, oui, c'est pas mal, hein. Vous direz ça au général, n'est-ce pas? Général, quoi? Que ça fait 5 francs par jour. Pourquoi, en quoi ça peut-il intéresser? Il s'occupe de ces choses-là! Ah, faut vraiment qu'il ait du temps à perdre, celui-là! Voilà, elle a choisi! Ah, très heureux! Ah, Kochnariev! Altez! Moya Marovna Titaïev, Polna Korama, Imonax Krono? Si! Panie Tenia Kora Salad Volo! Très bien! Voy Altez, en a Bouk Papel Koyamimi? Non! Ah, William Aulos, toi, là, j'ai copné le logeur, là. Allez, flon, le logeur. Allez, le logeur. Quincy French. Ouch. Qu'est-ce qu'il dit, moi? Quincy French. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchi Brancha. C'est un Louis. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Pour le logement, donc. Pour le logement, non. Non, son Altesse plaisante. Bah quoi, c'est 5 francs, je vous donne 20. On vous donne 20. Justement, je ne suis pas tenant aussi. Et comment, ça. Qu'est-ce que... Ce, mais je n'en veux pas, moi. Et là, son Altesse. Je ne veux pas que son Louis, moi. C'est pas une raison pour faire tant d'histoire. Excusez-le, Altesse. Voilà, voyons. Ça manque d'égard, ça manque d'usage. Oh là. Oh, je suis très mécontent, vous savez. Plus jamais, entendez-moi, plus jamais je ne reviendrai chez vous. Là. Oh, tu parles. Et maintenant, allez-vous-en, je vous ai assez vu. Mon âme? Oui, ça vaut mieux. Allez, puisqu'il le veut, n'est-ce pas que ça vaut mieux? Et vous aussi? Moi aussi? Tous les deux, allez! Ah, bah, écoutez, ça, c'est le comble, il me met à la porte de chez moi, maintenant! Ah, bah oui, mais enfin! Non! Pas par là! Je loué! Ça, il a loué, alors non, ouais, écoutez, ça devient comique, parce que c'est chez lui, maintenant, il a loué ici! Où allons-nous? Je ne sais pas, moi, allons à la lingerie! Et ça, on comptera le linge! Bah oui, on comptera le linge! Ouais. Oh, y'a le test, un chapeau d'autre, il passe ma gueule! Non! Lo justas, voi altesse, l'ho mai detto, mi pipi schitti la dia. Buona dia, cucinadie. Arvalu, come c'è. Arvalu. Arvalu. Che ta me li è tu da pesciarmi? Mais je sais pas pourquoi aussi elle a choisi ce loge. Entrez. Ah, la camérie. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Viens faire le lit. Montrez-vous un peu, soubrette. Non, Charlotte. Eh oui, soubrette, c'est un nom générique. Oh, je sais pas ce que c'est. Ça n'a aucune importance. Savez-vous bien que vous êtes très jolie, jolie, jolie pour une camérie. Bah oui, mais si vous restez sur le lit, je pourrais jamais mettre les draps. Monsieur le prince, Nicolas des Palestri. On ne vous dit pas, mais je pourrais pas les mettre quand même. Venez ici un peu, qu'on vous regarde. Ah, vous avez une façon d'entendre, c'est Harry. Votre copine. Alors, mon bébé, quoi? Oh, il est marrant, le vieux. Alors quoi, mon bébé? Nicolas. Ah, j'adore dans ces moments-là qu'on me manque de respect. Charlotte. Oh, ma Charlotte. Pardon? Du tout, je vous attendais. Allez, dégage, puis la bonne. Grand plein de girouettes. Ah, mais... Monseigneur, vous avez dérangé. Du tout. Comme vous dites en France, je pelotais. En attendant partie. Ah, bravo. Son Altesse possède notre langue. Oh, ne me dites pas les choses pareilles. Tenez, venez là. Mais, par obéissance, Monseigneur. Oh, mais pourquoi avoir mis ces costumes? Oh, il ne va pas bien. Oh, mais pourquoi? Ah, c'est vous, Monseigneur. Oh, oui, mais pour l'essayer, mais ensuite. Oh, non. Vous étiez plus confortable tout à l'heure. Enfin, mieux vaut peut-être progressivement. Oh. Alors, mon bébé, quoi? Ben alors, monseigneur. Voilà. Je suis le prince des Palestri. Alors, quoi, mon bébé? Et tout en disant alors quoi, mon bébé, il l'a fait sauter sur ses genoux comme un gosse, comme un enfant. Elle est charmante, elle est charmante. Que suis-je donc? Eh ben, monseigneur disait, alors quoi, mon bébé? Oui. Alors quoi, mon bébé? Alors, mon bébé? Viens donc, allez là, est-ce qu'on est prêt? Enfin, où sont donc? Hé, hey, la fille! Ah, la fille de quartier! Comment tu m'appelles? Où sont donc, s'il n'y a personne? Bah, c'est vrai, donc on était là tout à l'heure. Ah, on n'est plus là? Je vois qu'ils sont par là. Ah, excusez-moi, okay. Oui, bon, allez. Qu'est-ce que tu paries que les enfants occupent quelque part à caresser ta fiancée? C'est un homme de tempérament, mon vieux. Ton petit. Et le tien de mes yeux qui arrive. C'est moi qui bonjour, Marcel. Oh, pardon, monsieur Chopin. Quoi? Ah oui. Qu'est-ce que vous faites là? Que vous croyez militer? Libéré, je suis libéré, cause d'oreille. Ben, ah, la belle mallette. Oui, et alors comme ça, vous êtes venu voir votre futur cousin. Mon futur, oui. Il n'est pas là? Si, on est allé le prévenir. Mais vous-même, Amélie m'avait écrit que vous étiez reparti en Hollande. Oui, parti ça j'étais, mais revenu ça je suis. Ah oui. Ça me cause beaucoup de dérangements, savez-vous. Mais j'ai pensé que ça ferait peut-être de la peine à Marcel si je n'assistais pas à son mariage, hein. Alors, en souvenir de son père, je me suis arrangé. Et alors voilà, pour le mariage, je reste... Oh, non, de nom. Et Marcel, qu'est-ce qu'il dit? Marcel? Oh, ça l'a profondément touché, savez-vous. Ah oui? Oui, ça j'ai senti. Oh, le malheureux, quel pétrin, mon Dieu, quel pétrin. Oui, et alors c'est dans 3 semaines le mariage. Il paraît. Ah? Oui. Et même, je pense que ce n'est pas trop tôt. Parce que... Parce que quoi? Non, rien. Quoi? Non, je peux la pas gaffe, le dire. Naturellement. Mais si, quoi? Non, je ne peux pas. Mais il quoi? M'a fait promettre que je ne dirai à personne. Oui, naturellement, mais à moi. Oui, c'est vrai. Quand tu n'es pas tout le monde, je sais, tu es son meilleur ami. Il te vous dit tout comme il te vous le dirait aussi. Mais évidemment. Alors? Mais seulement, tu promets que tu ne le dis à personne. Mais oui, mais parbleu, voyons. Parce que tu comprends, on fait des ruses avec Marcel et moi, je ne veux pas de ruses. Mais oui. Alors. Mais je te dis ça entre nous, hein. Je crois qu'il est assez temps qu'on les marie. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus attendre, et la petite aussi, et que les tourtereaux, ils ont déjà profité, sûr. Qu'est-ce que vous dites? Et même que tout à l'heure, je les ai trouvés couchés dans le lit, là. Dans le lit? Oui, elle est fameuse, hein? Oh, nom de Dieu! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous les avez trouvés couchés dans le lit? Vous les avez trouvés couchés dans le lit? Laissez-moi! Vous les avez trouvés! Mais qu'est-ce que ça... Oh, les cochons, les qu'est-ce cochons! Qu'est-ce que ça fait de faire? Je pense que j'avais confiance en lui, que je lui avais laissé Amélie en me disant avec lui, je peux être tranquille. Pas de force, hein, si j'avais su! Et voilà ce qu'il se dit, un ami! Chopin, écoute, Chopin! Oh, fichez-moi la paix avec votre Chopin! Il n'y a plus de Chopin! Oh, les cochons, les cochons! comme il est pointilleux pour sa cousine, celui-là. Je n'ai pas plutôt tourné le dos qu'on les trouve couchés ensemble. Écoute, il faut tout de même pas juger comme ça. Ouais. Ah, après tout, s'ils étaient couchés, peut-être que... De quoi? Je ne sais pas, moi. Ils étaient peut-être fatigués. Fatigués? Ah, c'est vous qui m'avez l'air fatigué. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Ils me le paieront. Oh, les cochons. Chopin! Écoute, Chopin, j'ai fait un pataquès. J'ai ta parole, pas de problème, puisque tu fais le mariage, allez. Mariage, espèce de... Oh, qu'elle serait paumée, celle-là. Chopin! Allons, réponds. Squat, vous avez raison. C'est bien, j'ai promis, je ne dirai rien. Ouf, à la bonne heure. Mais commandant. D'autant plus que je te le répète, il n'y a peut-être rien eu. Mais oui, à la réflexion, parbleu. Il n'était peut-être que fatigué. Absolument. Mais c'est évident, ses chers amis. Ouf, je suis tout en chaleur, moi. Ah, salut, go, vous me le ferez. Eh bien. Heureusement qu'on fouille les gobeurs. Comment, qu'est-ce qu'on me dit, vous parlez un peu, vous êtes là? Oh. Etienne. Oh, par exemple! Que bon Marcel! Oh, saleur, Etienne! Oh, ma petite Amélie! Ma petite traînée, là! Que bon Marcel! Et ça va? Si, ça va! Eh bien, je suis bien content! Mais moi, salaud, là! Vous êtes heureux de vous retrouver, hein? Moi, aux anges! Et surtout, à lui, pas un mot de ce que vous savez! Hein? Moi? Non, voyons ce que ça m'a à dire, oui, c'est bien! Est-ce que tu me crois assez bête pour aller lui raconter? Bon, bien! Oh là! Oui, enfin, où que ça me tranquillise! Et dis-moi, elle ne t'a pas trop ennuyé? Elle était bien sage, bien raisonnable? Oh, tant qu'il aurait été sage! Ils ont été tout le temps sages! Ah, si, voyez! Ils ne se sont pas quittés! Mais c'est évident, ces chers amis! Écoutez, mes enfants! J'étais revenu pour vous chercher, mais je vois que Marcel n'est pas encore habillé, hein? Ah oui, oh excusez-moi, j'ai eu du monde tout le temps, mais ce sera pas long. Laisse donc. D'autre part, Amélie, elle doit assez bien désirer qu'elle reste un peu avec son cousin. Elle n'a plus vu depuis 15 jours. Oh, à quoi est-ce que je sers, moi, hein? Je sais pas aider Marcel à s'habiller, hein? Et je suis encore moins pour les dépensements cousineux. Alors, comme je suis de trop... Je vois. Je voulais juste passer chez le coiffeur pour ma barbe. Ah, la barbe. La barbe. J'avais dit que je remettais à demain, mais puisque j'ai le temps, hein? Oui. Alors, on se retrouve dans la demi-heure. C'est la venue, hein? Et ben voilà. Allez. Je m'en retrouve plus. S'il vous plaît, allez. Toi, tu t'assises et vous vous épanchez, hein? Et voilà. Allez. À tout à l'heure. Si tu vois, il n'y a pas un raseur près d'ici. Enfin loin. Où ça? N'importe où, vous n'avez qu'à entrer, il y sera. On sait comment on sera. Merci. Allez. À tout à l'heure. Allez. Non, mais quel crampon, crois-tu? Mais oui, j'en suis pas là, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je le croyais un lent. Ne m'en parle pas. Ah oui, vous êtes son mariage. Qu'est-ce que vous dites? Ah, il ne veut pas rater la cérémonie. Oh non, mes pauvres enfants. Et alors? Mais alors, qui est planté? Oh, moi, un miracle. Ah, relax. Bon, il s'agit plus de se laisser abattre, il faut trouver une solution. Ce miracle, il faut la contrôler. Oui, mais comment? Je ne sais pas, mais il ne sera pas dit que je laisse un bon ami comme toi dans l'embarras. Ah, c'est pas possible. Mais oui, mon Dieu, mais oui. Eh bien, ma foi, je ne vois qu'une chose. Il veut assister au mariage. Oui. Eh bien, ce mariage, il faut le lui donner. Pourquoi? Comment? Quoi, tu veux que j'épouse Amélie? Oh, tu veux marier à Marseille? Oh non, que ça, j'aime bien Amélie, mais enfin, de là à l'épouser. Quoi? J'ai bien épousé sa mère. Je vous dis pas, mais Amélie, non. Là, il s'agit pas de ça, te donner Amélie. Oh bien, merci. Elle, si bonne, si droite, si fidèle. Tais-toi. Non, je tiens à le dire. Eh bien, de quoi s'agit-il? De rouler ton parrain? Oui. Eh bien, on le roulera. Et voici ce que je pense. Non, mais quoi? Nous allons à la mairie avec Putzeboom de façon qu'il assiste à tout. Nous publions les bons. Pour de vrai. Alors, c'est mariage. Mais non, c'est les formalités obligatoires du mariage, mais ça ne rend pas obligatoire pour tout ça. Bon. Ton parrain est convaincu, désormais, il est à nous. Oui. J'ai pas tant. De quoi? Il a dit. Non, allez, circulez-vous. Allez, suis-moi bien. À la mairie même, pour la date fixée, je loue la salle des fêtes. Oui. Bien, j'ai loué, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Oui. Bon, je prends un ami à moi. Tiens, un de la bourse. Tonto Béjart, oh, par non, exemple. Non, non, pas Tonto Béjart. Oui, mais d'ailleurs, tu ne le connais pas, ah. Vous ne le connaissez pas. Ah, à la bourse, moi, je connais Chaminet. Oui, eh ben, c'est pas lui. Ah. Alors, je dis à mon Tonto Béjart, qui est un blagueur à froid, je lui dis, tu vas être le maire. Oui. Il ceint l'écharpe, et dès lors, devant ton parrain, nous célébrons ton mariage avec mademoiselle Amélie d'Avranches, ici présente, et couverte d'oranger. Oh, oui. Non, mais quelle idée, mais tu me sauves la vie, oui. Merci, ah, merci. Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre le deuxième acte d'Occupe-toi d'Amélie de Georges Feydeau que nous vous transmettons du théâtre Marigny à Paris. Et maintenant, voici le premier tableau du troisième acte qui en comporte deux. La scène se déroule dans la mairie pour le mariage fictif. En scène, tout le monde est là et vous allez voir ce que vous allez voir. On frappe les trois coups, le rideau va se lever sur la scène de la mairie. Le faux mariage, soi-disant, car vous allez voir qu'il n'est pas faux du tout. En scène, sur la droite dans le fond, il y a le bureau du maire, la table, et à côté de cette table, il y a l'appariteur qui est Mouitu, de son nom de théâtre, et qui n'est autre que Jean-Louis Barrault dans un petit rôle. Et Jean-Louis Barrault dans ce petit rôle est extraordinairement comique. Le voici qui fait son entrée. Et on l'a sorti en 5 secs. Oh, la bonne histoire. Bonjour les gars. Tiens, voilà Gabi. Oh, sur les chaises, sur les banquettes. Ça, c'est fauteuil, c'est pour le temps. Ah, bah, pardon, je savais pas. Bonjour Gabi. Alors, on n'a pas voulu rater le mariage, hein? Bah tiens. Dis donc, mais tu en es une autre à ce que je vois. Oh, bah tu penses, c'est l'attraction du jour. Sur les chaises, sur les banquettes. Ça, c'est fauteuil, c'est pour le temps. Oh. Non, mais tout de même, c'est incroyable, hein? Quoi? Bah, ce mariage, donc. Marcel épousait Amélie. C'est pas que c'est une blague. Comment une blague? C'est-à-dire qu'on l'a cru tout d'abord, mais maintenant, il n'y a plus à douter, voyons, puisque le mariage a lieu. Mais non, Marcel, après c'est la soirée d'hier à Tabarin, il nous a assuré que c'était un bateau qu'on montait à son parrain pour une question d'héritage. Mais voyons, mais c'est à vous qu'il l'a monté, le bateau, enfin. Voyons, comment veux-tu? À la mairie. Ah, je ne sais pas, je te dis ce qu'il nous a dit. Tiens, voilà Pâquerelle. Bonjour, Pâquerelle. Oh, c'est quoi ce bordel? Fais sur les chaises, sur les banquettes, c'est pour le côté. Oh, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il paraît que c'est un ami Tonto Béjart qui fait le maire. Tonto Béjart, Béjart. Le type de la bourse, oui. Ah, tu vois? Enfin, n'est-ce pas, Marcel nous a dit pour son mariage que c'était une blague qu'on faisait à son parrain. Absolument. Là. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, ça me dépasse. Oh. Dis-moi, garçon. Monsieur. Le cortège en part ici, naturellement. Évidemment, ah. Par où voulez-vous donc? C'est que je vais l'avoir bien en face, je suis photographe du matin. Dites-moi, garçon. Monsieur. C'est bien à 3 heures le mariage. Oui, monsieur. Oui. Mouitu, monsieur. Hé, Mouitu, c'est à vous qui me demande ça. Mais mademoiselle, c'est mon nom, oui. Quel drôle d'idée. Je ne suis pas plus fier, prochain. Oh bien, si c'est à 3 heures, il est moins 3. Ah, ça ne peut plus être long, alors. Quand nous sommes arrivés, il y avait des voitures qui entraient. Oh, la musique. La musique. Les mariés. Je suis content, je suis d'après. Flèche pour le cortège, monsieur là. Flèche pour le cortège. Alors, je les banquettes, je les banquettes. Je les banquettes, je les banquettes. Oh, qu'elle est bien! Oh, quelle jolie toilette! Voici Amélie au bras de son père. Elle a un lys dans la main et elle suit Mouitu, qui n'est autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Jean-Louis Barrault. Tout le monde fait son entrée. Il y a Adonis qui est le frère, comme vous le savez, d'Amélie, et qui remorque une petite fille en blanc, une petite fille de l'âge de 10-12 ans, avec des nattes dans le dos. Elle est charmante. Il y a derrière Fan Poutzeboum, toujours ahuri comme d'habitude. Et puis il y a Étienne également. C'est la gosse de la concierge comme demoiselle d'honneur. Oui, c'est la gosse de la concierge que Adonis a comme demoiselle d'honneur. Mais je vous repasse la scène et vous allez écouter. Bonjour, hein. Le cher petit doit être très ému. Oui, c'est cher petit, oui. Monsieur le père, madame la mère. La mère, elle est là-bas. Il attend. Alors, madame la tante. C'est-à-dire que si je suis témoin. C'est que son Altesse royale m'a délégué. En vérité. Eh bien, moi, c'est à cause de ma respectabilité. Très bien. Messieurs les témoins, s'il vous plaît. Voilà. Les témoins de la mariée, ici. Les témoins du marié, là. Allez, les petits, débarrassez donc. Oh, dis donc, ce mariage, ça ne donne pas envie d'en faire. Avec toi? Avec moi? Eh bien, j'y penserai, les petits. Monsieur le garçon d'honneur et les chers voisins. C'est nous, mon cher. Oh, mon cher, mais puis je m'assois là. Ça ne fait pas continuer. Si, non, monsieur le garçon d'honneur, jette pas ses... Mais à quel autre qu'on couche ? Tâche de terre. La ferme. Si vous voulez prendre place sur l'échelle, monsieur le maire est à vous dans un instant. Dis donc, c'est toujours Toto Béjart, le maire. Oui, c'est toujours Toto Béjart, le maire. Ah oui, c'est, dis donc, Amélie. C'est vrai que c'est toujours Toto Béjart, le maire. Ah bah oui, je le sais. Ah, tu sais. Ah. Non, il y a papa, il dit que c'est toujours Toto Béjart, le maire. Oui, c'est Toto Béjart, le maire. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Comment vous dites le bourgmestre? Toto Béjart? Mais non, pas lui, madame, pas lui. Oh ben alors quoi, son peuple est prospérifère. Mais rien, rien, rien. C'est moi qui fais des plaisanteries d'un vous douteur. Je demande pourquoi tu n'as pas mis d'orange dans ta couronne. Ah, c'est distingué, ça, oui, oui. C'est Gueldup qui a trouvé ça. Eh bien, mon Dieu. Allez, circulez, croyez-vous dans elle. Croyez-vous dans elle. Quoi? Non, tout à l'heure, quand on s'en ira. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Si je veux savoir ce qu'il y a. Allons, dépêche-toi. C'est la petite qui... Eh ben, conduis-la, mon petit. Oh, non. C'est la petite qui a envie de faire pipi, parce que vous pourriez très bien ne pas le comprendre. Eh ben quoi, c'est humain. Mademoiselle. Pourriez-vous m'inviter, s'il vous plaît? Oh non, comme c'est agréable. Bien, c'est facile, mademoiselle. C'est pour monsieur. Hein? Mais non, c'est pour la petite. C'est pour la petite demoiselle, alors. Si vous voulez me suivre, ma petite demoiselle. Eh ben, tu viens? Ah, fiche-moi la paix, hein? Alors, allons parler avec elle, voyons. Le garçon d'honneur ne lâche pas sa demoiselle d'honneur. Oh, zut! Allez, dépêche-toi, je veux pas qu'elle soit toute seule. Oh! Enfin, quoi? C'est pas la mère à boire! Oh, mais toi, que j'ai l'air, moi aussi, non? Et naturellement, pour aller au petit endroit, on dérange toute la noce. Il passe au travers des chaises et des bancs. Enfin, c'est une débandade générale. Rien, c'est la petite qui... Ah, ouais. Mannequin pisse. Voilà, vous y êtes. Oh, c'est tout de même un mariage vraiment parisien. Ah non, écoute, c'est pas pour dire, mais il nous fait poser, Toto Béjart. Tu parles. Hein, moi, je veux bien qu'on s'épouse. Mais faut pas oublier que le prince m'attend à la maison à 4 heures. Hein. À 4 heures? Mais tu as de la marge, alors. Ah, depuis le temps que je la fais droguer, hein, la malheureuse. Quelle malheureuse? Eh ben, l'altesse, quoi. C'est du féminin, non? Ah, ça, j'avais pas remarqué, oui. Ah, oui, c'est du féminin. Merci, monsieur le maire. Monsieur! Ah, pardon, enchanté. Non, c'est pour vous prier de vous asseoir. Excusez-moi. Dis donc. Oui? C'est Toto Béjart, ça? Oui, c'est Toto Béjart, oui. Marcel se lève tout doucement et approche pour voir si la loupe du maire est bien vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Non mais, la gueule est bonne, mais t'es sûr de lui, au moins il va pas faire de blagues, se met à rigoler, non? Non, sois tranquille, il ne fera pas de blagues. Veuillez, je vous prie. Ah oui, évidemment. Monsieur le marié. À moi. Évidemment, vous. Vous n'êtes pas plusieurs. Ben oui. Me donnez vos noms et prénoms. Il était pas temps, n'est-ce pas? Joseph. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, ça va. Alors. Et vous, mademoiselle? Clémentine Amélie Pochet. Non, pas vous, c'est à mademoiselle que je demande. Pardon. Clémentine Amélie Pochet. Eh bien, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais oui, c'est bien. Allez, c'est ma fille. C'est moi qui lui ai donné ces noms-là, alors je les connaissais à Montel. Je vous en prie, monsieur. Continuez, monsieur le maire. Continuez. Pochet, je crois que le nom était en France. Oui, c'est un titre du pape. Oui, oui, c'est un titre du pape. On va vous donner lecture de l'acte de mariage. Lisez, Cornette. Il était pas tant, Toto Béjart. On dirait qu'il n'a fait que ça toute sa vie. 8, le chemin à 3h du soir, devant nous, maire du 8e, au rendu chemin de Paris, au coffre à ce de mûrir pour être mis pour on t'a vu la loupe quelle loupe la loupe du maire. Oh, tu parles, on dit. T'as vu la loupe la loupe du maire. Comment elle est conséquente. Ah, dis donc, un vrai œuf de colombe, hein. T'as vu, j'ai pas les pieds du coin. Oui, alors là, tu peux dire comme tu veux, là, tu sais. Dis donc, tu m'avais pas dit que Toto Bézard avait fait une loupe. Mais tais-toi, elle est fausse. C'est du camouflage. Non. Dis donc, il paraît que la loupe du maire, elle est fausse. Non. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Papa, la loupe du maire, il paraît qu'elle est fausse. C'est pas possible. Oui. Mais, mais. Oui. Sérieux. Monsieur Cochet s'approche et monte presque sur la table pour voir si... Qu'est-ce qu'il y a ? Si la loupe est fausse. Naturellement, le maire fait un saut en arrière et toute la noce en rigole. Toute la noce s'approche pour voir si la loupe est fausse. Il y a Jean Bibaro à droite qui est un demi-tu, qui est vraiment grave, navrant de drôlerie. Qu'est-ce que vous avez? Il paraît qu'elle est fausse. Mais quoi? Je ne sais pas. Quelle noce, mon Dieu, quelle noce. Avant de prononcer publiquement au nom de la loi, que monsieur Marcel Courbois et mademoiselle Clémentine Amélie Pochette ont sorti par les liens du mariage. Levez-vous. Asseyez-vous. Non, levez-vous. Asseyez-vous. Naturellement, et pour comprendre ce jeu de scène, il faudra le voir. Je vais vous l'expliquer en vitesse. Mais quand... non. Levez-vous. Alors voilà. Levez-vous. Ils se lèvent tous. Ils se lèvent tous. Alors naturellement, l'autre dit asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, ah bon, bien. Si vous dites comme ça, alors. Eh bien, pourquoi vous asseyez-vous? Vous avez dit asseyez-vous. Hey, vous avez dit de vous asseoir. Je parle à monsieur Pochet. Mais c'est moi. Oui. Eh bien, restez debout. Ah, mais ben, j'y suis. Allez, dis donc. C'est-à-dire, c'est un homme bien. Le coup, il est sanglé. Monsieur Amédée Pochet. Oui, c'est moi. Oui, je le sais. Consentez-vous au mariage de votre fille, mademoiselle Clémentine Amélie Pochet, avec monsieur Joseph Marcel Courbois? Avec joie. Ne dites pas avec joie. Je le dis comme je le pense. C'est possible. Mais on ne vous demande pas vos impressions intimes. Répondez oui ou non. Absolument. Mais pas absolument. Est-ce oui ou est-ce non? C'est oui, voyons. Puisqu'on est venu pour ça. Alors, c'est bien. Je vais vous donner lecture. Oh, c'est avec ça. Je vais vous donner lecture. C'est à Denis, c'est la glace qui revient. Il faut s'asseoir là-bas à côté de... Je vais vous à côté donner de Mouilletu. Il y aurait seulement 50 plus. Oh, quand vous aurez fini. Oui, mes enfants, on est à la mairie tout de même. Oui, hein, malgré que... Il est temps de vous le rappeler. Alors, fais-le vous, rappelez-vous le leur. Voulez-vous vous taire? Il est épatant, on ne veut rien, un naturel, une autorité, mon vieux. Je vais vous donner lecture des articles du Code concernant les droits et devoirs des époux. Ah, écoutez ça, mes enfants. Silence. Silence. Silence. Oui, oui, c'est ce que je leur dis, silence. Vous. Moi. Quel crampette, le père! Article 212. Les époux se doivent mutuellement assistance, secours et fidélité. Article 213. Le mari doit protection à sa femme. Article la femme obéissance à son mari. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari. Et de les pauvres de l'arrondissement, s'il vous plaît. Pour les pauvres de l'arrondissement, s'il vous plaît. Pour les pauvres de l'arrondissement, s'il vous plaît. Pour les pauvres de l'arrondissement, s'il vous plaît. Article 213. Pour les pauvres de C'est la petite Kikette. Et voilà, elle s'est fichue par terre avec la monnaie. Alors tout le monde se précipite pour ramasser les pièces et tout le monde reprend sa monnaie, c'est-à-dire que tous les invités remettent l'argent dans leur poche. Il y a une confusion extrême sur le plateau, c'est une haute rigolade. Jusqu'au photographe qui s'en va avec son pied et tout le bazar. Et voilà. Et Amélie qui traîne son voile blanc dans la poussière. C'est un désastre. Tu trouves la cérémonie. Oui, c'est bon. Qui êtes-vous? Mais oui, mais bien entendu. Monsieur Joseph Marcel Courvoy, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Clémentine Amélie Pochet? Non! Comment non? Non, non! Bien sûr! Mais comment bien sûr? Mais oui, évidemment! Alors. Mademoiselle Clémentine Amélie Pochet. C'est gentil, elle est venue. Mademoiselle Pochet. Clémentine. Amélie. Dis donc, papa, c'est parce qu'il y a madame. Mademoiselle Pochet. Mais mouille-tu, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mademoiselle Pochet, c'est pour aujourd'hui. Oui. Mademoiselle Clémentine Amélie Pochet. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Joseph Marcel Courvoy? Au nom de la loi, je déclare Monsieur Joseph Marcel Courvoy et Mademoiselle Clémentine Amélie Pochet unis par le mariage. Bravo! Messieurs! Le parrain, parce que c'est à lui qu'on fait la blague. Oui. Quelle blague! Un secret de farceur. Alors, ça va très bien joué. Admirable cabotin. Comment? Comment le faire? Mais madame, il m'en est, les mariés. Messieurs, mesdames, bonsoir. Messieurs, dames, la cérémonie est terminée. Vous voulez passer par ici pour le défilé? Amélie, regarde à peu près. La scène suivante, enfin la scène actuelle, se passe sur le proscenium. Le rideau se ferme tout doucement. Amélie et Marcel se sont placés sur le devant. Et alors tout le monde défile comme à la sacristie. Je vois les miens aussi. Merci. Oh, Marcel, on s'est petit heureux. Merci, mon Dieu, merci. Bonjour. Moi, j'ai pas pu vous saboter. Tous mes compliments, mon cher. Vous avez repris gilet, madame. Bonjour, Marcel. Entre, madame. Mais j'ai voulu voir ça. Oh, madame, papa, c'est madame. Oui, madame. Madame vient au lunch, naturellement. Merci, Pochénon, vraiment. Madame, alors un verre de madère avec un petit guillot. Merci, Pochénon, vraiment. Je suis contristé. Vraiment, je suis contristé. Je suis désolé, mon pauvre Pochet. Non, et t'as vu quand on nous a unis, hein? Oui, mais je suis arrivé pour ça, ça m'a semblé tout drôle. Ah, ça, c'était rigolo, en effet. Alors, ça a réussi, le parrain a marché. Ah, et comment, alors? Il a pu donner dans le piano. Alors, plus d'ennui, plus d'embêtement. Plus d'ennui, plus d'embêtement. Ah, ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il a à rire, celui-là? Te voilà riche. Ton mari rêve. C'est bien coincé de mariage. En fait, c'est vrai. Oh, le parrain et le parrain. Oh, tu t'attends dans la trio. C'est ça, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça est, ça? Rien, c'est une parente de province. C'est sa sœur de lait. Oui, ma sœur de lait. Je te félicite, on fait ça bien, mon frère. Ah, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas tout ça, puisque maintenant que tout le monde est parti, je te fais aussi mes compliments. Ah, merci, mon parrain, merci. Vous venez au lâche, naturellement. Ça, tu penses que je vais? Et les mariés aussi, vous venez? Ah, non, les mariés ne vont pas au lâche. Donc vous devez comprendre ça, n'est-ce pas? Tous les mariés rentrent chez eux. Ouais, je comprends. Allez. Hein? Et avant ça, tu permets une bise, hein? Oh, mais bisez, mon parrain. Allez. C'est une incontinence chez lui. Voici votre livret de mariage, monsieur. Mon livret de mariage? Oh, merci, mon ami, merci beaucoup. Merci, monsieur. Madame, tous mes vœux. Merci, mon ami. C'est mon livret de mariage, non? Ah, ce matin, Détienne, il a pensé à tout. À tout! À tout quoi? Hein? À tout rien. Madame, si vous voulez. Ah, je suis à vous, général. Dis donc, je file le prince matin à la maison, hein. Dis donc, c'est égal. On est des mariés pas ordinaires. Et comment donc? Je vais encore vous partir. Oui, devant, mais je vais aller la rejoindre. Ah, oui. Bon, alors maintenant que tu as rempli la condition, je vais à l'hôtel et je te rapporte ton chèque. Il est prêt? 1200 000 francs de principal, plus les intérêts composés, 270 000 93 francs, 500 000. C'est ça, voilà. Allez. qu'il est. Non, j'y vais pas, mais bon appétit quand même. Alors, merci. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, Tonton Béja. Venez là, vous venez vite ici. Quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Quoi? Non, dans mon mariage. Non, est-il vrai que j'ai épousé Amélie d'Avranche? Qu'est-ce que vous croyez donc que vous venez de faire, alors? Mais comment j'ai épousé? Ah non, je ne veux pas, moi. Je veux divorcer. Ce n'est pas mon affaire. Quoi? Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas Tonton Béja? Moi? Je suis le maire de l'arrondissement. Le maire de la... Oh, monsieur! Eh bien, mon ami, c'est comme ça que... Non, pas... J'ai épousé Amélie d'Avranche. Oui, mais oui, mais oui. Qu'est-ce que vous dites? J'ai épousé Amélie d'Avranche. Vous avez... Oh! Elle aussi! Moutu! Cornette! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a, Christian? J'ai épousé... J'ai épousé Amélie d'Avranche. Mais c'est bien, votre mari. Et moi, qui suis bien, monsieur, tout de même. Amélie d'Avranche. Le deuxième tableau de ce troisième acte se passe chez Amélie d'Avranche, dans sa chambre à coucher. En scène, le prince de Palestrie qui a enlevé son pantalon pour être plus à son aise, mettons, et qui attend patiemment une canne à la main. Vous devez l'entendre d'ailleurs, il se gratte dans le dos avec. Je vous laisse. Mais pas Dieu le Père, qu'est-ce qu'elle fait, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? On n'a donc pas idée de se marier si longtemps. Alors quoi? Voici la mariée, monseigneur. Enfin! Mademoiselle d'Avranche, si vous voulez bien. Excusez-moi, monseigneur. Quoi? Oh, rien. Enfin, la tenue de monseigneur, hein, je m'attendais si peu. Hein, je me suis mis ainsi pour gagner du temps. Laisse-nous, cochenardier. Bien, monseigneur. Retirez votre robe. Oh, déjà? Le jour des noces, on est toujours pressé. Je vais retirer mes fourrures. Oh, je suis décoiffée, excusez-moi. Oh, oh, vous êtes adorable. Je voudrais vos cheveux sur vos épaules. Ouais. Comme une toison. J'aime ça, moi, promener ses pieds nus dans les cheveux éparses de la femme aimée. Quel ratiment. Mais malheureusement, c'est pas encore de mode à Paris. Hein? Ah, vous permettez que je vous aime. Oh, je vous en prie, monseigneur. Cela est très suggestif. Il me semble que je fais le nuit de noces. Ah, par procuration. Le droit du Seigneur. Et alors, ça s'est bien passé, oui? Quoi donc? Le mariage avec le logeur. Oh, monseigneur, je vous ai déjà dit qu'il n'était pas logeur. Oui, mais je l'ai connu comme, alors je l'ai ainsi dans le bouche. Oh, si vous l'avez ainsi dans le bouche, alors... Et alors, ça a bien réussi, oui? Quoi donc? Le tour. Ah, bravo, j'adore les farces. Aussi, j'ai été heureux de commander le général de service. Ça a été aimable, on a été très touchés. Oui. Sortez de là-dedans. Et il a été bien, oui. Qui donc? Le général. Oh, parfait. Ça ne m'étonne point. Il est très décoratif. Je ne sais pas ce qu'il donnerait à la guerre. Mais dans un cortège... Au Saint-Icône de la Madone. Oh, tais-toi. Oh. Oh. Alors, mais quoi? Oh. On n'entre pas. Oh, toi. Oh, le logement. Oh. Une tuile de 4 étages qui nous tombe sur la tête. Une tuile? Nous sommes mariés, légitimement mariés. Qu'est-ce que tu dis? Tonton Béjart. Oui. C'était pas Tonton Béjart. C'était le maire. Ça veut dire? Ça veut dire que Kéké avait été mis au courant de notre malheureuse équipée. Alors, il s'est vengé. La cérémonie était vraie, le maire était vrai, tout était vrai. Je suis ton mari et t'as été ma femme. Oh, est-il possible? Mais alors, je suis Madame Marcel Courbois. Bah oui. Oh, mon chéri, que c'est gentil. Qu'est-ce que tu dis là, monsieur? Tous mes compliments et mes vœux de bonheur. Mon mari, oh, tu verras quelle petite femme rangée, fidèle, popote, tu auras. Popote! Comment, quelle petite femme nommée? Pardon, je suis là à demi-nuit, vraiment. Oh, je suis confuse. Oh oui, vraiment. Oh, excusez-la. Il y a de quoi être confuse, en effet, elle a enlevé sa robe, elle est à moitié nue, quoi. Maintenant, madame, permettez que je vous aide à passer votre kimono. Oh, merci. Votre kimono. Là. Et maintenant, monseigneur, vous ne pouvez pas rester davantage. Comment? Mais vous comprenez, n'est-ce pas, ma nouvelle situation? Mais je suis venu pour... Monseigneur. Oh, ça est très désagréable. Ça ne me regarde pas si il était convenu que... Je vous en prie. Mon mari. Oh. C'est très juste. Monsieur, je vous fais toutes mes excuses. Ah. Il est évident que... croyez, monsieur, que si je suis ici, ce n'est pas pour... Ouais. Madame, Je vous fais tous mes compliments. Oh, monseigneur, vraiment. Mais non. Mon pauvre logeur. Et vous, le prince, foutez-moi la paix! Je suis le prince des palestries. Justement, c'est pas ici. Oh. Non, mais vous me voyez, moi, l'époux d'Amélie d'Avranches, une femme dont tout Paris connaît les amants, que je trouve le soir même de ses noces en tête à tête avec le prince de Palestrie. Oh. Et c'est à cette femme-là que je donnerai mon nom. Ah, voilà, c'est, hein? Oui. Ça se passera pas comme ça. Regarde, le prince est là. Oui. Ah, le prince est là. Ah, oui, je vais te le faire voir tout de suite que ça se passera pas comme ça. Quoi? Je trouverai peut-être jamais une si belle occasion. Malheureux! Marcel prend les vêtements du prince et les flanque tout simplement par la fenêtre. Il a souhaité mes vêtements pour le pied. L'oseur et l'oseur! Osez enfermer le prince des palestries! Oh, l'animal! Mais enfin quoi, je ne puis rester ainsi séquestré sans vêtements, vous le voyez? Mais oui, il entre là, je suis commissaire de police! Chez le commissaire! Oh, mais alors, c'est un guet-apens! Oh, monseigneur! Oh, c'est terrible, terrible dans ma situation et vis-à-vis de mon gouvernement! Enfin quoi, il n'y a pas d'issue! Oh, il y a que la fenêtre! Merci, un deuxième étage! Oh, c'est terrible ce qui m'arrive! Je suis tout bouillissant! Oh, monseigneur! Oh, c'est effrayant! Le voilà qui revient! Monsieur le commissaire, ma chère amie, je suis désolé. Mais... Madame, excusez-moi, madame, c'est monsieur qui... Eh ben, où il est votre cambrioleur? Il n'y a ici qu'un cambrioleur, c'est celui de mon honneur. Quoi? Monsieur le commissaire, veuillez constater, je vous prie, la présence ici de l'amant de madame, le soir même de ses noces. Hein? Et sa robe de mariée est encore là toute chaude. C'est vrai, madame? Oserez-vous nier? Oh, ma foi, t'as raison, va. Mieux vaut le divorce qu'un ménage dans ces conditions-là. Eh ben oui, monsieur le commissaire, c'est vrai. Enfin! Et votre complice? Dans la baignoire. Après tout, hein, c'est un prince. Sortez, monsieur! Nous savons que vous êtes là. C'est très bien. Me voici. Monsieur le commissaire, veuillez constater, je vous prie, le déshabiller, monsieur. Oh, permettez, oui. C'est monsieur qui m'a jeté mes vêtements par la fenêtre. Si vous les a jetés, c'est sans doute que vous ne les aviez pas sur vous. Votre nom? Impossible, je voyage incognito. Quoi? Non, il suffit, monsieur et son Altesse Royale, le prince Nicolas de Palestrine. Oui. Ah. Maracas. Constatez, monsieur le commissaire, constatez. Non. Une Altesse Royale, merci. L'immunité diplomatique, je n'ai pas envie de créer des complications au gouvernement. Mais qu'est-ce que vous dites là? Oh, arrangez-vous, moi ça ne me regarde pas. Absolument. Non mais enfin, monsieur le commissaire, je suis le mari offensé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? D'abord, je n'en sais rien, moi. Hein. Qu'est-ce qui me le prouve? Oui, quoi? Non, qu'est-ce qu'il veut le pauvre? Non mais regardez la tenue de madame, le prince sans vêtements. C'est vous qui les lui avez jetés par la fenêtre. C'est lui qui les a jetés par la fenêtre. C'est sans doute qu'il les avait pas sur lui. Oh, voilà une preuve. C'est idiot. Et puis enfin, madame Agoué, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah, et puis on va lâcher, hein. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, moi. Et considérez-vous encore comme bienheureux que je ne vous dresse pas un procès verbal pour fausse déclaration magistrale. Si, moi? Oui, vous. Car en fait, où est-il, votre cambrioleur? Où est-il? Mais monsieur, je l'ai... Bon. Je l'ai... Que ça ne vous arrive plus. Vous, je vous fais grand croix de l'ordre de Palestrine. Moi, monseigneur. Oh, monseigneur, quel honneur. Comment pourrais-je exprimer à votre altesse? C'est très bien. Merci. Monseigneur. Madame, idiot! Oh, pour ça, celle-là, elle est réelle, alors dis donc, je suis très, très, très mécontent. Vous savez, enfin quoi, je ne peux rester ainsi en caleçon et en chemise. Vous allez me prêter un costume que je m'en vais. Mais j'en ai pas, ça m'égale, trouvez ça, donnez-moi vous. Étienne! Il a le culot de nous payer notre tête! Qu'est-ce que c'est que ça, Étienne? Vous avez besoin d'un vêtement, monseigneur. Je vais vous présenter, Étienne, attendez. Qu'est-ce que tu fais? Oh, entrez! Vous êtes heureux, ça va comme vous voulez? Ah, si nous sommes heureux, canard! Hein? Ton pantalon. Quoi? Donne-moi ton pantalon ou je tire! Oula, oula! Ah, ça, tu plaisantes! Ah, je plaisante! Tiens! Plafond! Non, ton plafond, zut! Ton pantalon! Parfait. Alors, peux-tu me donner ton pantalon ou fais-tu comme un chien? Allez, allez! Oui, allez, allez, plus vite que ça! Veux-tu me donner ton pantalon? Voilà. Et voilà. Tenez, attrapez mon seigneur. Merci. Oh, il va craquer. Et maintenant, ton habit et ton gilet. Mortel. Veux-tu me donner ton habit et ton gilet? Oui, alors, le fou, il est complètement fou. Allez, allez, allez. Tiens, les voilà, les voilà. Allez. Plus que ça, tenez, attrapez mon seigneur. Oh, merci. Bon, donc vous y êtes. Voulez-vous le caleçon? Oh. Et le plus beau. Parfait. Amélie, ton prix. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Ah. Et maintenant, mon seigneur, pour le projet que je médite, la présence de votre Altesse est de trop. Je comprends. Monsieur est mon remplaçant. Voilà, vous l'avez dit, monseigneur. C'est très bien. N'est-ce pas? Je me sauve. Au revoir et bonne chance. Au revoir, Amélie. Au revoir, monseigneur. Cocoy! Baronzo! Hein? La pépette à la gosse! Quoi? Quoi? Jean Moulec! Gros bouboule! Non, mais c'est ça! Je m'enlève mes vêtements, puis encore il m'engueule! Hé, hey, là-bas, vous! Bouge pas, toi, ou je te brûle! Oh, t'en veux-tu en venir? Je vais en venir à te faire passer en flagrant délit avec ma femme. Absolument! Ah, tu es l'amant de ma femme, hein? Ah, quand même de ces notes, on te trouve en flagrant délit avec elle! On te trouve en caleçon dans la chambre conjugale! Ah, mais il est avec toi en jupon! Oh, ils sont fous, ils sont fous! Ils veulent le commissaire! Le commissaire! Là. Le commissaire! La voilà! Son Altesse! Son Altesse n'est pas là? Non, elle vient de descendre. Je lui rapporte ses vêtements qu'on a déposés au commissariat. C'est bien, on les lui fera remettre. Monsieur? Bonjour, monsieur. La chaleur, sans doute. La chaleur, monsieur, la chaleur. Mais je ne vous ai pas présenté. Monsieur Étienne de Milieu, mon meilleur ami. Monsieur le commissaire du quartier. Et maintenant, monsieur le commissaire, veuillez constater, je vous prie, que je viens de surprendre ma femme en flagrant délit d'adultère. Encore? Oui, monsieur. Mortel! Assez! Je me suis trompé tout à l'heure. L'amant de ma femme, c'était pas le prince, mais non. Et c'était monsieur à la bonne heure. Mais c'est faux. Et je le reconnais. Oh. D'ailleurs, tout Paris vous dit. Oh. Cet aveu me suffit, madame. Ayez donc constaté. Mais je proteste. C'est une infamie. Je suis un citoyen de la République. Oh, ça, monsieur, ça n'a jamais été une considération. Oh, non. Occupe-toi d'Amélie. Vous a offert en transmission différée la diffusion du spectacle donné au Théâtre Marigny à Paris. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault présentaient « Occupe-toi d'Amélie, vaudeville en trois actes et quatre tableaux » de Georges Feydeau. Mise en scène nouvelle de Jean-Louis Barrault, avec le concours dans les principaux rôles de André Bruno, qui jouait Pochet, Régis Soutin dans le rôle du maire, Jean-Louis Barrault, Mouitu, Jean de Sailly qui jouait Marcel Courbois, Jacques Dacmin, le prince, Charles Mailleux, Van Putzeboom, Beauchamp, le général Kochnadieff, Jean-Pierre Granval, Adonis, Gabriel Catan, Étienne, Bernard Deran, Bibichou, avec Madeleine Renaud dans le personnage d'Amélie, Simone Valère, Charlotte et Eleonore Hirt, Irène. Les autres rôles étaient tenus par Marie-Hélène Dasté, Nicole de Sailly, Janine Vansart, Michel Sabatier, Michel Lahaye, Albert Médina, Marceau, Jean Julliard, Christiane Clouzet, Pierre Sonnier, Marie-France Catan, Roland Malcolm et Jacques Galland. La présentation du spectacle était assurée par Jean-Paul Coutisson et la prise de son effectuée par les services techniques des transmissions extérieures.